Bienvenue à tous, bienvenue à tous les soldats de la caserne, voilà. Il y a toujours des petits soucis, c'est normal, hein, je dois faire l'ingé son en même temps regarder le Discord. Bon, je suis désolé, c'est comme ça, voilà, c'est bon, on me dit, bon, merci, merci, merci à vous. Donc effectivement, je parlais dans le vent tout à l'heure, je demandais qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'interview, et je crois qu'il y avait Tony qui souhaitait dire quelque chose en premier. Alors vas-y, Tony. Oui, tout à fait. Bon, alors merci. Déjà, c'est un plaisir d'être là, une fois de plus. Et comme Jean-Marc, un moment dans le chat, je tenais déjà à refaire une remarque. C'est quand même marrant quand on suit mes tas, puisqu'il est devenu TEPA TV depuis le début, en commençant par Cardet, en passant par des gens comme Patrick Burenstenas, d'en arriver aujourd'hui à Jean-Marie Le Pen. C'est au-dessus le soleil, comme dirait l'autre. Bon, sur l'interview elle-même, alors honnêtement, mais c'est pas... Concernant mon cas, c'est pas un problème, j'ai pas appris grand chose, mais c'est surtout parce que je ne loupe pas une seule interview de Jean-Marie Le Pen, donc voilà. Sinon, j'ai trouvé ça bien mené, j'ai bien aimé le fait que les questions soient simples, courtes et concises, droites au but. Et puis un Jean-Marie Le Pen qui généralement répondait dans la même veine. J'ai juste constaté une petite dérobade sur les questions sionistes, mais bon, ça m'a plus fait sourire. Je m'en fous, je suis pas obsédé par ça, mais moi dans l'ensemble, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Ok, bah merci. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Alors je vous rappelle, pour intervenir, faites clignoter votre micro, comme ça je vous donne la parole. Eh ben, Herman. Salut! Salut. Bah écoute, moi Boutantat. je suis arrivé un peu en cours de route là. Je suis arrivé quoi, vers 22 h ou un peu avant. Et franchement, de ce que j'ai entendu, c'était des paroles quand même qui se font rares de nos jours et surtout dans nos générations. Dans nos générations à nous, je parle depuis les années voilà 70, 80. Bon, c'était fort quoi, c'était fort. Et le mec a quand même terminé par Amen quoi. Et moi j'ai trouvé ça m'a donné un frisson quoi. C'était très fort et très. Bah c'est Le Pen quoi, c'est Jean-Marie Le Pen, c'est un gars d'une autre époque quoi. C'était impressionnant. Eh ben ok, merci. Alors, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Vous faites clignoter? Ouais, Jessica? Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais juste dire que toi, je t'ai trouvé super touchant au début de l'interview parce que tu avais l'air impressionné d'être avec le monsieur. Et du coup, tu semblais un peu, tu vois, interloqué par la situation. Et du coup, ça a donné encore plus de... Enfin, je pense qu'à travers ça, t'as transmis un peu notre sentiment à tous, cette appréhension de le voir en vrai, de l'avoir, t'sais, un peu pour la caserne, quoi. Vas-y, Cam Cam. Bah, Après, c'est Wanazar. excellent, c'est excellent. J'ai bien aimé le côté sympathique, un peu, comment dire, un peu intimiste. Hein, vous êtes entre patriotes, et ça, on l'a bien senti, hein, surtout vers la fin. J'ai bien aimé. Ah bah écoute, ok. Alors, Wanazar après Val. Alors moi je trouve que ben je te remercie déjà par cette vidéo pour cette vidéo que tu as fait avec Jean-Marie Le Pen dont je suis très très ben c'est un de mes mentors préférés et je pense que tes questions étaient ben, étaient bien faites. Il a bien répondu aussi sur tes questions et j'espère une grosse hype pour toi dans les jours à venir quand ta vidéo sortira sur ta chaîne. Bah merci, Vanastra. Vas-y, Je t'en Val, prie. je crois. Alors moi je voulais te remercier aussi déjà parce que c'est super ce que tu as fait, franchement c'est nickel. Avec des super questions en plus, nickel. Moi, j'étais un petit peu déçue quand même par le pépère Jean-Marie. Je l'ai senti sur la réserve. Alors, le fait qu'il soit filmé, peut-être le met sur la réserve. Alors, moi, j'aurais pensé qu'à 90 ans, on n'ait plus peur des procès, hein, mais bon, apparemment, si. Donc, je l'ai trouvé quand même vachement politiquement correct. Tu vois, un petit peu, je sais pas ce que tu en as ressenti, toi, mais je l'ai senti sur la réserve. Voilà. Oui, bah moi j'ai senti, quand tu dis sur la réserve, C'est un peu normal parce que c'est quelqu'un qui a un grand professionnalisme. Donc, il sait parfaitement, si tu veux, faire la différence entre une entrevue qui est filmée et qui est à destination donc d'être visionnée par un maximum de gens et une discussion privée. D'autant plus que je vous l'annonce aussi en scoop, on a d'autres images. Et j'espère avoir l'autorisation de les diffuser dès que son staff m'aura donné l'accord, s'il me donne l'accord. À ce moment-là, je vous présenterai en plus une deuxième face. Et où précisément, je comprends ce que tu dis, où on est justement dans le privé cette fois. Et il y a encore une autre forme de choses. Et puis là, on échange sur des anecdotes privées. Donc c'est aussi très très intéressant. Il nous raconte des anecdotes absolument incroyables. En fait, imagine bien le personnage. D'ailleurs, drôle. Moi, j'ai trouvé en fait que Jean-Marie Le Pen était quelqu'un qui a une culture énorme, mais vraiment incroyable. Et on est littéralement passé à côté. Alors quand je dis on, évidemment, on va me dire, ouais, mais toi, t'étais un gauchiste il y a 20 ans. Oui, bah oui, bien sûr, bah, comme beaucoup, hein, j'imagine, et beaucoup qui nous écoutent, beaucoup même sur ceux qui sont même peut-être même sur cette caserne. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, les médias, le système médiatique, s'est efforcé pendant des années de nous le présenter sous le regard d'une espèce de bête féroce, imbuvable, vulgaire, méchante. Voilà, on ne cessait de vraiment de le voir que sous ses aspects négatifs. Et évidemment, rien que le côté de, par exemple, de l'homme de culture qu'il est, on est complètement. Enfin, je pense que évidemment, on a fait exprès d'occulter ça. Fallait vraiment ceux qui s'intéressent vraiment à Jean-Marie Le Pen qui pouvaient le comprendre. Mais pour on va dire le Pékin moyen qui regarde la télévision, c'est pas du tout ce qui transparaît. Et finalement, cet homme de grande conviction. Alors, voilà pour l'histoire, parce qu'on me demande bah, comment ça s'est passé. Bah, écoutez, voilà, c'est via des connexions. Je vais pas révéler évidemment les noms des personnes à l'antenne. Ils se reconnaîtront. Je les remercie. D'ailleurs, ils sont remerciés dans la vidéo. C'est via ces connexions. Donc, on a été reçu chez lui, en fait, dans sa maison à Saint-Cloud. Donc, c'est là-bas qu'il a l'habitude de donner des entrevues. Je dois dire que voilà, on me dit oui, Tepa, t'es impressionné. Bah oui, je suis désolé, c'est quand même pas. Je veux dire, dans une vie, je pense pas que j'aurai deux fois l'occasion de refaire ce genre d'entrevue de Jean-Marie Le Pen. Enfin bon, c'est quand même pas rien. Enfin, c'est quand même une très très grosse entrevue, quoi. Enfin, faut quand même le dire. Alors après, c'est ce que tu dis, Jessica. C'est vrai que il y a une forme d'impression au début, tu vois, de dire attends, parce que moi, il faut se rendre compte que tu as une énorme pression, à la fois pour moi, de rencontrer un personnage tel que lui, et puis aussi le fait de devoir mener une entrevue, parce que je suis là pour ça. Donc il faut que je surmonte tout ça pour pouvoir faire en fait quelque chose de professionnel. Après, je suis assez content que vous ayez remarqué, je trouve qu'il y a pas mal de remarques positives dans le sens des questions, parce que je me suis vraiment pris la tête pour lui voilà, poser des questions, et je pense même avec le recul, vous allez encore mieux comprendre le sens parce que chaque question, il y a des questions qui sont vraiment presque essentielles pour savoir où est-ce qu'il place lui justement le curseur par rapport en fait à tout ce qui se Mais passe oui, aussi dans la complètement. dissidence, par Donc ça, rapport au curseur de la j'ai compris dissidence. sur la Et c'est ça réserve. que je trouve intéressant. Vas-y, Ah Val, ouais. vas-y, tu veux dire. Oh, je disais oui, j'ai complètement saisi le truc dans le sens où c'est pour ça que j'ai senti que tu étais sur la réserve. Parce que tes questions étaient à la fois pertinentes et à double sens pour certaines. Après, Donc, ouais, bon, tu vois, pardon. et qu'ils répondent aussi vite et aussi de manière un peu casual, tu vois. Bon, ben, c'est un peu dommage, quoi. Après, si tu veux, Val, ouais, Valérie, pardon, bon, faut pas oublier il a été malade, hein, il a eu un cancer, il me semble. Et puis bon, il est âgé, quoi, hein, donc faut pas trop. Oh non, mais j'ai jeté Ouais, la pierre. Il a bien sûr. 90 ans, bien sûr. Bon, Alors, ouais, moi, ouais, vas-y. C'est non, qui? C'est Pierre. Pierre, vas-y. ouais, ouais, bonsoir, t'es pas. Bah déjà, merci pour cette entrevue. C'est extrêmement intéressant parce que ça nous a permis effectivement de déjà beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Pas que de ta part, je pense aussi lui. Et j'ai trouvé un Jean-Marie Le Pen apaisé, étrangement apaisé. je pense qu'il est arrivé à un point de sa vie politique où, où aujourd'hui il mène encore un combat, mais c'est un combat qui est plus calme. Il est moins dans, même s'il a toujours cette diatribe impuissante, il était avec toi serein. Il a répondu clairement. Il était, il respirait une certaine sérénité et ça m'a énormément touché parce qu'effectivement, comme tu l'as dit dans ton explication, on a l'habitude de le voir effectivement sous des allures un petit peu attaquant, pointant, etc. Et là, pas du tout. C'était quelqu'un de, je sais pas. C'est assez, j'étais assez ému. Honnêtement, je suis assez ému de l'avoir vu comme ça. Ah bah ça me fait plaisir parce que moi c'est aussi ce que j'ai ressenti, cette émotion. C'est marrant, vous avez tous ressenti ça. Bon bah c'est général parce que moi aussi et ceux qui ont vécu l'interview avec moi, ceux qui m'accompagnaient de l'équipe, ont ressenti ça. Et c'est marrant qu'aujourd'hui, à vous, en voyant en fait les images, vous ayez ce même sentiment. C'est incroyable. Et aussi, il faut rappeler, pardon, Val, je t'ai coupé. Ah bah, alors, oui, Cam, Val et Harmonique aussi. Ouais, rapidement, comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est vrai qu'on a été, on était trempé dans le gauchisme, hein, dans les années 80. Je sais que je le détestais, hein. J'étais naïf, hein. J'étais pas enseigné, j'étais manipulé comme tout le monde, hein. Donc, j'ai eu l'émotion de le voir, là, de l'entendre. Et, c'est vrai que c'est, j'ai aussi de comment dire un gêne de l'avoir comment dire de à l'époque de l'avoir méprisé de voilà donc alors vas-y alors il y a Harmonique et Val et Harmonique après alors justement t'es pas merci parce que moi personnellement quand j'ai vraiment entendu parler enfin j'en avais déjà entendu parler mais Jean-Marie Le Pen qui venait vers où je suis Annecy, c'était les Antifa à l'époque, les gauchistes, Le Pen, facho, le peuple aura ta peau. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu as créé une scission où tu montres vraiment qui est l'homme. C'est-à-dire, en fait, c'est un ancien qui a bientôt 90 ans, et qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il dit 90% de vérité, et ça marque, et si on le surnomme le menhir, c'est pas pour rien. Et je pense que cet homme marquera définitivement l'histoire de France. C'est ce que je pense aussi. Val, tu voulais intervenir aussi? J'allais dire à peu près la même chose et surtout, en fait, ce qui était très émouvant, c'était la phrase qu'il a à la fin, à la jeunesse. Parce que c'est très important ce qu'il a dit. Il a dit des choses extrêmement profondes, en fait. Ah bah, c'est extraordinaire ce que tu dis. Parce que tu vois, justement, cette phrase de fin, dans les off, en question... Il pousse encore plus loin cette réflexion et c'est tellement vrai. Ah, c'est chaud. C'est très important. C'est très très chaud, effectivement. Alors, c'est qui que j'ai vu s'allumer ? Jessica et San aussi ? Oui. Allez, Jessica, les filles d'abord, allez. Pardon. Ouais, en fait, je pense que l'émotion globale qu'on a ressentie, c'est que je pense que Jean-Marie Le Pen, depuis toutes ces années où il a été diabolisé, il a eu de rares fenêtres pour s'adresser à la jeunesse, justement, et je pense qu'il a conscience que toi, tu portes un peu toute cette nouvelle génération qui veut essayer de sortir du gauchisme, et je pense que c'était peut-être aussi, tu vois, pour lui... un peu quelque chose d'inespéré, puisque ça s'était jamais vraiment présenté. Et c'est peut-être un regain d'espoir pour l'avenir de notre pays, pour lui, quoi. Ah bah écoute, franchement, ça me fait penser, je fais un parallèle un peu avec l'interview que j'ai faite de Robert Forisson, où c'est une réflexion que beaucoup de gens m'avaient sortie après coup en me disant, et même... j'en ai conscience, des gens qui ne s'intéressaient absolument pas à Forisson ni à ses travaux, qui étaient même un peu rebutés hein, par ça, se sont intéressés à l'entrevue, puisque c'est moi qui la faisais, et du coup ont changé leur regard sur Forisson. Et peut-être bien que cette entrevue aura un même effet, bah écoutez, on verra avec le temps, mais c'est intéressant de vous remarquer. Alors il y a Mikou, je crois, tu voulais dire un truc ? Ouais. Déjà, merci Tepa, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était un peu comme une interview en fin de match, voilà, où on voit un homme qui donne son ressenti sur son match, quoi, comment ça s'est passé. Donc on voit bien qu'il a identifié un danger, hein, pour lequel il s'est battu en priorité. Il a utilisé la voie démocratique pour y arriver. Il a mené son combat jusqu'au bout selon les règles. On en a oublié l'intérêt réel en lui mettant des étiquettes dessus, comme il l'a très bien cité. Voilà, donc dans le ressenti d'interview, je l'ai ressenti un peu désabusé, déjà désabusé par la situation, désabusé par l'histoire, ce qu'elle devenait et cette injustice quotidienne. Alors moi, je tiens à le remercier. Là, je trouve que son combat est très honorable. Il porte la flamme de l'espoir et je tiens à le remercier, voilà, qu'il serve d'exemple. Ok, San, vas-y. Ouais, moi je vais te dire merci aussi, tout d'abord. Après, je vais pas trop te complimenter parce qu'on va me dire que je fais de la lèche, hein, comme je lis dans les commentaires, là. Donc voilà. Mais sur Jean-Marie Le Pen, franchement, je pense que le mot qui va ressortir le plus, c'est l'émotion, comme tu le disais. Enfin, tout le monde en a parlé. Et moi, je te dis clairement, en regardant l'interview, j'en avais presque les larmes aux yeux, en fait. Et je peux pas t'expliquer pourquoi. Je comprends pas pourquoi, mais il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Pourtant, Jean-Marie Le Pen, c'est un monsieur que enfin, dont je connais très bien les analyses. J'ai regardé beaucoup d'interventions de sa part, etc. Et là, il y avait quelque chose de particulier. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir qu'un bonhomme comme ça, presque 90 ans, qui a combattu, enfin, il n'a pas forcément une vie facile, etc. Il a fait la guerre et tout. Il a consacré près de la moitié de sa vie à un combat politique qui n'a jamais vraiment abouti au final, et on voit même que à l'heure actuelle la situation a empiré. Et quand tu lui demandes de s'adresser aux gens, il dit garder l'espoir et la vie c'est un combat. Et moi j'ai vraiment trouvé ça très très fort quoi. C'était un peu une leçon. Eh ben, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que y a encore quelqu'un qui veut intervenir là. Faites clignoter vos micros. Je voudrais juste ajouter un dernier truc, si pour Vas-y. les gens qui s'intéressent au personnage de façon générale, il y a une série d'entretiens qu'a fait TV Liberté à l'occasion de la sortie de son livre, donc Jean-Marie Le Pen, Un destin français. Si vous aimez le Jean-Marie Le Pen qui raconte des anecdotes, comme tu évoquais Topa tout à l'heure, là vous allez être régalé. Je trouve que Monsieur Le Pen a des capacités de conteur, je dirais, exceptionnelles, une mémoire formidable. La précision avec laquelle il raconte ses histoires est absolument fascinante. Et je voudrais juste finir sur cette histoire d'émotion. On va dire, je simplifierai ça. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord ici pour dire que je pense que le jour où il va nous quitter, Jean-Marie Le Pen, je pense que ça va nous faire vraiment quelque chose. Vraiment. Moi, en tout cas, je pense que je serai vraiment triste quand j'y arriverai. Voilà. Ok, merci. Quelqu'un veut encore intervenir? Moi, sinon, je veux relancer le débat, justement. Parce que voilà, c'est Jean-Marie Le Pen. Bah, j'ai bien compris, en plus, ce que vous me dites. En plus, c'est vrai que c'est hyper émouvant, quelque part, parce que c'est un monsieur de 90 ans. Et la phrase, effectivement, Jessica, c'est Val qui en parlait sur la question de fin, elle est extraordinaire. Parce que c'est un message d'espoir, mais c'est un vrai message de combat, et c'est un message réaliste. J'ai trouvé, moi, qu'il était dans un discours de vérité. C'est ce qui est on va dire, justement, l'impropre, c'est-à-dire l'opposé de tous les hommes politiques, puisqu'en général, quand on voit bien les hommes politiques, ils nous enfument complètement, espèce de langage, ils vous emmènent, bon, ils vous baladent, c'est pas de la vérité. Là, ce qui était incroyable, je trouve, c'est qu'il était dans un discours de vérité. Alors, il y a des choses qui déplaisent pour certains, parce que voilà, ils disent ce qu'ils pensent, comme il dit oui sur la colonisation. Mais moi, je l'ai trouvé juste. J'ai pas une position, vous vous rendez compte, qui soit différente de la sienne aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire par un cheminement intellectuel, je vais rejoindre sa position. Mais c'est pas oui, non, je me conforte à Jean-Marie Le Pen, c'est de me dire ah ben le cheminement intellectuel mène en fait au rapprochement idéologique. Simplement, c'est soi et sa réflexion, son analyse qu'on porte sur le monde, sur les événements et la façon dont on perçoit les choses. C'est pour ça que je trouve qu'il a donné une vision qui était mesurée. Alors, il y a plein de questions en plus. Par exemple, il a été clair, je trouve, sur des positions, par exemple, sur la question de l'Union européenne. Il y a plus à trancher, il faut que la France sorte. Sur la question de l'islam, il a aussi révisé sa position, il le dit. Et, sur la question de l'immigration, comme il dit, il a prévenu tout le monde maintenant, etc. Mais il reste, je trouve, à la fois réaliste, et aussi, il n'est pas inhumain, quoi. Il n'y a pas d'inhumanité. J'ai trouvé quelqu'un, justement, de touchant. On a été très, très bien accueillis, hein, je dois bien le dire. Moi, j'avais même le sentiment, vous voyez, comme vous dites, des interviews patriotes, bah, justement, j'avais le sentiment que, oui, on était dans un cercle patriotique, mais voilà, auquel on nous respectait, nous, en tout cas. Y avait vraiment non, on a été très très bien reçus. Je dois souligner même la qualité de l'accueil. Donc voilà, c'était une expérience quand même assez incroyable. Et je pense dans une vie que je vous dis, ça n'arrive pas souvent. Parce qu'il y en a qui me disent ah oui, oui t'as l'air coincé. Je suis pas coincé dans l'entrevue, mais bon, je fais pas l'entrevue de Jean-Marie Le Pen. Comme j'interview Alain Benajam, qu'on va se rencontrer tout le temps, que c'est un ami, que on se tape dans le dos, mais c'est pas pareil là. Enfin, il faut quand même remettre les choses. C'est vrai qu'il faut arrêter de chercher le cheveu dans la soupe, toujours les détails à critiquer. C'est fatigant à la fin. Enfin, je parle pour ceux qui critiquent. Hein. C'est à la fin, c'est gonflant quoi. Ouais, vas-y, Jessica, tu veux intervenir aussi et Tony aussi. Il faut remettre aussi Jean-Marie Le Pen à son rang de politicien français auquel on a tellement craché dessus que nous, on l'a récupéré comme la jeunesse, c'est la récupérer comme un espèce de symbole de provocation et on en a perdu toute déférence envers le personnage. Et je pense que là, au contraire, tu as fait un bel hommage et tu nous as fait un bel hommage aussi à travers l'interview que tu t'as donnée. C'est surtout on ressent ce que bah, tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est la réalité et là ça fait encore plus mal. Comme je disais parce à l'époque. Que finalement, le drame de Jean-Marie Le Pen, est-ce que c'est pas parce qu'il avait raison avant tout le monde en fait sur tout un tas de sujets et en particulier sa vision du changement et des influences qu'allait apporter cette on va dire l'immigration de masse, il avait compris avant tout le monde. Oui et non, parce que aujourd'hui on voit les effets, on voit qu'il a raison et les gens continuent à lui cracher dessus. Donc en fait le drame c'est pas juste qu'il avait raison avant tout le monde, c'est juste qu'il a raison et qu'on vit dans un monde de mensonges et quand tu vis dans un monde pareil et que tu dis la vérité, ben voilà, c'est dramatique. Ça c'est la dexta mais médiatique, hein, faut pas oublier. Hein, parce qu'il y a plein de gens dehors qui partagent pas ce que les médias disent. Hein. Mais bon, et surtout, vous sous-estimez, je pense, le fait que maintenant, son côté calme, bon, je pense qu'il est toujours comme ça en interview, en entretien, c'est que là, il a 89 ans, bientôt 90, je trouve qu'il est en santé, mais c'est pertinemment qu'il arrive à l'hiver de sa vie. Et c'est pour ça qu'il sort sa biographie, justement. C'est comme ça que je le sens, moi aussi. Ouais, ouais et c'est que, justement... Il sait pertinemment, oui, quand il disait « Oui, je préfère que je ne sais plus mes nièces, mes petites filles, voyez des vaches, des arabes », il sait qu'il a blessé des gens, mais il sait pertinemment que les fondements de ce qu'il a dit sont vrais, et qu'en fait, c'est pas un gars de haine, c'est pas un gars méchant, en fait. Alors que moi, j'y ai cru. Typiquement, je suis un trentenaire, mais pour moi, c'était le diable absolu, comme on le décrivait, et c'est pas le cas. C'est pour ça que je pense que le jour où il part, il y aura un petit côté solennel, mais il y aura un côté au niveau des médias dominants, de dégueulasserie. En fait, pour moi, le jour où Jean-Marie Le Pen part, il y aura des paramètres qui vont changer, mais complètement. Et là, ça va vraiment changer la donne de la France, parce qu'il y en aura qui vont se féliciter de ça, et des gens qui diront, mais en fait, c'était pas grosso modo, pas au point où on pensait. Et ça risque de faire monter les tensions, justement. Je suis d'accord, moi. Je pense qu'effectivement, ça va agrandir la fracture déjà presque béante dans le paysage. Je suis bien d'accord. Si vous vous rappelez, il y a Canal Plus qui avait fait une vidéo sur lui. C'était, je sais pas si c'est le grand journal. Enfin, vous savez, là, ces médias, là, ces reportages là, un peu marrants, ils se moquent de tout le monde. Et apparemment, ils l'ont montré en train de sortir de voiture, en train de trembler. C'était vraiment abject, quoi. C'est vraiment. Donc ça, je pense que ça sera toujours comme ça. Ils vont toujours le mépriser. Ça, c'est jusqu'à la fin, quoi. C'est dommage. Oui, il y a toujours cette image, même quand tu dis Jean-Marie Le Pen, les gens sautent sur leur chaise, alors que pour quand vous regardez, par exemple, alors ça c'est un exercice qui est hyper intéressant, vous regardez les anciennes émissions de L'Heure de Vérité, de toute cette télévision des années 80-90, et regardez les interventions de Jean-Marie Le Pen, il y en a quelques-unes qui sont tout simplement incroyables. C'est-à-dire, en fait, il avait vraiment raison sur énormément de choses. Mais on passait, les journalistes, alors en plus, vous allez voir la mauvaise foi, alors là, c'est incroyable, ça, on la voit encore, mais la mauvaise foi des journalistes, quoi, comment les journalistes travestissent son propos ou l'empêchent de parler. Il y a un moment donné, c'est avec Christine Ockrent, c'est incroyable, elle reprend ce qu'il dit, mais elle trafique, enfin, il a toujours eu, un peu d'ailleurs comme Marine aussi, dans ses débuts, espèce de horde journalistique de tout le petit milieu contre elle. Parce que Marine, moi aussi, je l'ai vue dans des positions où des fois, je dois bien admettre, elle a un traitement qui n'est pas le traitement normal de tous les autres hommes politiques. Quand elle est venue une fois, c'était dans cette émission-là, sur la 5, je crois, C'est Politique ou quelque chose comme ça. Et on commence l'émission par présenter un reportage de 2 minutes, comme ils font, mais fallacieux, où il te mélange, en fait, c'était le détail de son père, le machin, le truc et tout, et ils te font une compilation, et voilà, ils disent, voilà, c'est Marine Le Pen. Et lui, le père, il a eu ça tout le temps, hein, parce que bon, on va dire que les médias sont un petit peu calmés après sur Marine, mais le père, lui, toute sa carrière, ça a été que ça, quoi. Ça a été que, on a cherché tout le temps à l'enfoncer, quoi, dès qu'il venait dans une télévision. Les journalistes n'avaient pas un comportement normal, comme ils avaient avec n'importe quel homme politique. Ah, complètement, complètement. Et puis surtout, en fait, il a vraiment démarré sa carrière médiatique quand le marketing est arrivé à la télé. Et à l'époque, bon, il avait mis son œil de verre, mais on passait toujours des images de lui où il avait son bandeau de pirate. Ça faisait de lui une espèce de monstre à un œil vitupérant. Étant extrêmement agressif, on passait des images de lui militaire. Enfin, moi, je me souviens très bien. Et ce gars-là, il arrivait, il parlait de choses dont personne n'avait envie d'entendre parler, parce que c'était la grande époque, SOS racisme. Donc, il était complètement à contre-courant. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que malgré ces 40 années où il s'en est pris quand même plein la gueule, toutes ces années, il avait quand même raison. Et il n'est pas aigri. Et ça, c'est quand même une sacrée qualité, quoi. Ça l'a pas rendu, tu vois, amer ou quoi. C'est quand même étonnant. Je sais Ouais, pas par vas-y rapport. Pierre, attends, Pierre, Oh, il veut pardon, parler. pardon. Ouais, je pense même que au niveau de ses mémoires, c'est vraiment pas une volonté de lui. Je pense qu'il se fait vraiment violence aujourd'hui à écrire ses mémoires. C'est pas un acte de flagornerie. Il le fait plus encore peut-être dans un esprit de combat, histoire de laisser une trace, mais pas pour la gloriole. Vraiment, je pense pour continuer le combat. Et ça va être aussi. Il doit vraiment avoir du mal, et c'est pour lui changer. Et puis il faut pas non plus oublier que il a quand même pris une rude claque avec l'histoire de sa fille, etc. Ce parti politique qui l'a un petit peu trahi entre guillemets, où pendant des années tu construis quelque chose, tu le fais monter. Comme il l'a très bien dit, c'est un phare qui illumine, qui donne de l'espoir. Et aujourd'hui, il voit que sa chair le trahit entre guillemets en éteignant le phare. Cette métaphore qu'il a fait, le phare, là, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faudra bien retenir. Quelque part, ses mémoires, c'est peut-être le phare éteint, mais c'est un nouveau flambeau qu'il allume par ses écrits. Parce qu'en plus, il y a eu la trahison de sa fille, je veux dire, il y a de quoi être aigri, hein. Faut voir un peu, même sur son vieil âge, il n'y a rien qui lui sera épargné à ce gars-là. Bah, moi, Pierre, je suis assez d'accord avec toi pour avoir lu les 100 premières pages de son livre, de ses mémoires. C'est vrai que c'est écrit avec une grande simplicité et j'ai l'impression en lisant en fait que c'est plus dans une démarche de partage que dans une démarche de combat politique ou de continuer le combat. J'ai vraiment ressenti cette notion de partage en fait. Et si je peux me permettre, au niveau journalistique, c'est vrai qu'il a toujours été vraiment vraiment vomi, quoi. Vraiment, c'est, je sais pas si dans les autres pays c'est pareil, mais en France, c'est vrai que ça a toujours été comme ça sur Jean-Marie Le Pen. Alors bon, ça va, il est humain, bon, il, par moment, ça va qu'il donnait le bâton pour se faire battre, mais ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport au journalisme, je pense que là, il faudrait que le pouvoir s'en occupe une bonne fois pour toutes. Je sais que, bon, enfin, ne rigolez pas, je sais qu'il y a une charte déontologique pour, ça s'appelle la charte de Munich. Non, non, mais c'est vrai, Patrick, il y a une charte de Munich, et assez, nous, on a parlé de ça. Eh oui, normalement c'est respect de la vérité, etc. Il y en a 10. Voilà, donc et c'est jamais respecté cette charte. Donc c'est vraiment c'est désolant, quoi. Donc appliquons la loi. Donc eh ben, il faut retirer leur carte de journalisme, hein, parce que normalement ils ne respectent pas cette charte, ils sont hors la loi, donc c'est vraiment c'est incroyable, quoi. C'est vraiment ouais. J'ajouterais sur l'histoire médiatique de Jean-Marie Le Pen qu'en fait c'est assez particulier. À ses débuts, c'était pas un personnage spécialement relayé vu que son mouvement n'était pas forcément très développé. Puis ensuite il devient député, notamment durant le mouvement poujadiste. En fait, ce qui est assez dégueulasse, c'est qu'on lui a donné accès aux médias pour mieux le tabasser. C'est Mitterrand qui, à l'époque, Zemmour en parle mieux que moi, mais c'est Mitterrand qui, à l'époque, ordonne à France Télévisions, enfin, ça avait un autre nom à l'époque, je saurais pas à dire, qui demande à ce que Jean-Marie Le Pen soit amené. Mais justement, ça coïncidait avec la période SOS Racisme, justement, pour justement se servir de Jean-Marie Le Pen contre lui-même et donner une poussée à SOS Racisme, notamment. Alors, attendez, parce qu'on me dit qu'il y a un souci. Est-ce qu'on me dit qu'on ne m'entend plus? Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Dites-le-moi. Oui. C'est bon? Pas de souci. Ok. Non, mais parce qu'il y a eu un passage, on m'entendait plus. C'est ce que les gens me disaient sur le chat. Bon, bah, c'est parfait, c'est revenu. Bon, bah, on continue. Qui est-ce qui voulait intervenir? Moi. Caras. Vas-y, Caras. Il voulait parler à voilà, il sature ton micro, mais Caras. Essaye de régler un petit peu, parce que ça sature. Ok. Vas-y, Lana. Ok, moi je rajouterais par rapport à ce que tu as dit, t'es pas par rapport aux journalistes, c'est que les journalistes, eux, ben, beaucoup de journalistes, eux, ils vont au Club Le Siècle, et puis ça, personne ne le sait encore, ben, très peu de gens comme nous, mais dans la vie, il y en a très peu qui le savent, alors que c'est là-bas que tout se passe, c'est à l'hôtel Crillon, par exemple. Et c'est un peu dommage que des pseudo-journalistes qui sont mariés plus ou moins avec des politiciens ou des politiciennes viennent mener une sorte de tribunal à Jean-Marie Le Pen, comme tu as dit, avec Christine Lecointe ou alors avec Rotel Krief par rapport à Marine Le Pen. Et ça, c'est vraiment très, très regrettable. Ouais, effectivement, c'était qui? Caras, t'as réglé ton micro? Ouais, normalement, ça doit être bon, ça va? Ça a l'air un peu mieux, vas-y, ouais. Ouais, ben en fait, ouais, ce qui me désole un petit peu, c'est que Internet, les réseaux sociaux et tout, pas arrivent 15 ans trop tard, quoi. Finalement, on aurait eu cet outil-là il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Ça aurait peut-être changé la donne politique en France. On aurait débunké beaucoup plus vite et beaucoup plus de choses, quoi. Et Le Pen, alors maintenant, le personnage, c'est un homme qui a été toujours intègre d'une certaine manière. Quand il est député, je crois qu'il a repris du service dans l'armée pour défendre les intérêts de la France. Il a fait des erreurs stratégiques, c'est vrai. Bon, quand il parle de Monseigneur Ebola ou du détail, alors que bon, la loi Guesso n'existait même pas encore à l'époque. Mais je pense que c'est quelqu'un effectivement qui marquera l'histoire. Et c'est dommage pour nous d'avoir du retard dans cette prise de conscience. Parce que lui, il était là, il a toujours été là depuis 40 ans, nous étions là, et malheureusement, nous étions phagocytés par le système, les médias, et puis l'éducation nationale, qui dans certains cas ont appelé à manifester contre lui, par exemple au deuxième tour des élections en 2002. Donc vraiment, il y avait une coalition de toute une partie de la France contre ce personnage et ses, entre guillemets, idées qu'il était censé représenter. Moralité, balancer votre télé à la poubelle. Ouais. Bah, à l'époque, on n'avait que la télé, et puis bon, bah, les journaux, bien sûr, et puis la radio. Les journaux étaient moins phagocytés. Je veux dire, moi, je lisais Le Monde jusqu'à dans les années 2000, quand je lisais encore la presse, ça allait encore. Marianne, par exemple, avait encore des fois une liberté de ton, même si ils n'allaient pas à fond sur tous les sujets, quoi. Mais maintenant, je crois qu'il y a vraiment une... Ouais, c'est foutu. Ouais. Je suis d'accord. Réalité, alors, attends, il y a Dar qui voulait dire après Harmonique. Alors, Dar, je crois que tu voulais parler. Ah, on t'entend pas. Ah, il y a un souci de micro. On n'entend pas, Dar. Ouais, t'as un petit souci, c'est-à-dire il s'allume, mais on t'entend pas. Et je le trouve quand même bienveillant avec sa fille, malgré les bisbilles qu'ils ont tous les deux. Je l'ai pas trouvé très virulent vis-à-vis d'elle. Oui, c'eût été malvenu. Alors, Bastos, tu voulais parler. Harmonique, d'abord, je crois qu'il voulait parler aussi après Bastos. Alors, vas-y, Harmonique. Oui, justement, tu as le mérite, t'es pas, c'est que toi, tu es calme, mais justement, tu prends pas parti. C'est que ça fait du mal, justement, même dans le milieu dissident. C'est qu'il faut penser par soi-même et avoir les expériences par soi-même. Je vois dans le... Justement, je parlais de la dissidence et tout. Il y en a qui disent « Antel a dit ça et tout, je me sens là-dedans. » Mais si vous n'avez pas fait l'expérience par vous-même, vous oubliez. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vérité. Ok. Bastos, vas-y. Ouais. Moi, je voulais dire surtout... Bon, c'est... Je vais pas parler du fond, parce que le fond, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais vraiment donc de la forme, de ce que représente cet homme, quoi, tu vois, c'est un personnage pour moi historique de la France, quoi. Qui voilà, présent, quoi, et surtout futur, quoi. Et qui va permettre aux générations futures de comprendre ce que c'est le combat. Celui, il est là depuis les années 30, quoi. En première ligne, il a expliqué une époque où même la vision nationaliste était perdue. Enfin, il n'y avait pas encore toutes ces problématiques, et le gars, il a anticipé tellement de choses, quoi. C'est donc moi, je trouve que c'est un grand homme, et juste, voilà, moi, c'est plus pour le remercier, vraiment, de tout ce qu'il a fait pour la France, quoi. Et voilà, c'est une personne qu'il faut lui rendre hommage, en fait. Et ça fait plaisir. C'était une très belle interview. Pour moi, c'est un grand homme. C'est un grand homme français. Et bah, j'espère que ça y durera le plus longtemps possible, quoi, bien sûr. Et puis il va inspirer beaucoup de gens, et pour longtemps encore. Est-ce que tu penses que tu vas essayer d'interviewer sa fille? Ça va mieux, mon micro? Oui. Bah écoute, dans l'absolu, je ne m'interdis rien. Maintenant, c'est pas prévu. J'ai pas de scoop à l'horizon, mais je ne m'interdis rien. Okay. Quelque chose me dit qu'il y aura toute son équipe à côté qui va dire « Ah non, lui, il faut pas y aller. » Plus ironique, c'est que... Peut-être qu'avec cette entrevue, peut-être ça va les motiver. Vous croyez, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez, parce que ce que je comprends bien, même un peu ce que je lis sur le chat, c'est que les gens disent ok, bah c'est une grande figure vraiment du patriotisme. Cet homme avait raison et aujourd'hui, clairement, il aurait 20 ans de moins et il se présenterait à l'élection présidentielle. Il inquiéterait très fortement, très très fortement. Ça paraît évident. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui où on peut dire qui va remplacer Jean-Marie Le Pen? Sur ce plan de pouvoir réunir tous les patriotes de France. Non. Je dirais aujourd'hui non. Je pense que Jean-Marie Le Pen, justement, ce qu'il avait plus que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est la figure de leader. Et honnêtement, moi aujourd'hui, je ne vois aucune personne qui n'a ne serait-ce que la moitié de cette capacité, justement, à réunir autour de lui. Non, je ne vois pas non plus personnellement. Bah moi, on me dit Henri de Lesquin sur le chat. Oui. Alors, ben non, justement, parce que il est dans son Henri de Lesquin, il a le mérite d'être un aristocrate qui est compatible avec le monde d'aujourd'hui en utilisant Internet, mais il réunit pas assez de gens dans sa force. Je suis sûr, demain, Henri de Lesquin aurait ses 500 signatures, il arriverait même pas à faire 5%. En fait, c'est pour revenir sur ce que disait Val, et enfin, ça a à voir avec la question que tu poses là, t'es pas un. Moi, Val, je suis pas d'accord avec toi quand tu disais que tu t'avais été déçu parce que tu le trouvais sur la réserve. En fait, c'est la grande différence entre quelqu'un qui est vraiment dans le combat politique comme depuis des années, comme Jean-Marie Le Pen, et les gens qu'on peut suivre, comme par exemple des Conversano aujourd'hui, qui font plus de la métapolitique. C'est-à-dire que c'est pas en fait qu'il est sur la réserve, c'est juste que le mec sait que son discours doit fédérer. Et plus tu vas te retrancher dans comment dire, un sujet bien particulier, par exemple, certains vont parler de l'islam, certains vont parler même d'un côté racial, donc d'autres vont être totalement judéo-centrés. Lui, il essaie de garder l'église au milieu du village. Par exemple, quand Tepa lui pose la question du sionisme, il dit voilà, c'est quelque chose qui existe, mais moi, c'est pas mon combat. Quand Tepa lui pose la question sur la religion chrétienne, il dit quoi? Il dit effectivement. On peut voir aujourd'hui si la France, si en France ça part en couille, c'est sans doute aussi à cause de l'affaiblissement de la religion. Maintenant, ça c'est pas mon combat. Moi, je ne suis pas un clerc et ça, il faut voir avec Dieu, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, je pense qu'il sait, il savait, il sait toujours comment il faut fédérer les gens dans un combat politique. Et même quelqu'un comme de Lesquin, que j'apprécie beaucoup sur certes, beaucoup de points. C'est pas le même personnage. Je pense pas qu'il arrivera à fédérer comme un Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, je vois personne qui soit capable de le faire comme le faisait Jean-Marie. Ça pose le problème du politique correct, en fait. Mais oui, c'est ça, parce que Il est moi, j'ai devenu de pas. plus en plus politiquement correct, Jean-Marie. Voilà. Je n'étais peut-être pas à une Je époque. trouve pas. Tu trouves pas? Ok, peut-être, je me trompe pas. En Mais moi, fait, je trouve qu'il est de plus en plus politiquement correct. Et à l'heure actuelle, qui est de moins en moins politiquement correct? On n'a personne. Ou à part, comme vous dites, des espèces de pro-machin dissidents. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a personne. Mais de Lesquin fait pour moi partie de la même génération que Jean-Marie, quoi. C'est des vieux. Mais moi, quand tu me Qui, dis à l'heure actuelle, dans politiquement notre correct. génération de moins de 45 ans, va pouvoir y avoir la même stature que Jean-Marie? Il n'y en a pas. Alors, attends, tout le monde veut prendre la parole. Voilà. Alors, moi, je dis juste un truc. Parce que, alors après, ce sera Anto. Et j'ai vu, il y a Lila, Jessica. Bon, on va voir. Moi, juste, je voulais dire, Skool, parce que tu dis politiquement correct. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé spécialement politiquement correct. Je l'ai trouvé apaisé, effectivement. Apaisé, j'ai pas senti, oui, justement, cette ni agressivité ni rage, au contraire, c'était presque de Bouddha. Enfin, tu vois, j'exagère, mais je suis pas loin. Mais Mais dans le côté positif, politiquement correct, c'est-à-dire qu'il sait que maintenant, il va pouvoir parler et il sait parler sans se prendre un procès au cul. Et il va falloir ah, bah, ça, être ouais, comme ça. j'imagine, ouais. Avoir un parti politique, il va falloir être comme Ah, ça de dans ce toute façon sens-là, pour ouais, pouvoir d'accord, fédérer. ok. On est bien D'accord, d'accord. parce que Ouais, bon, mais. sinon, le fond de ce qu'il dit, je l'ai trouvé au contraire très intègre, avec les bons mots et comment savoir le dire. Alors attends, je fais Oui, tourner oui. la parole, je crois qu'il y a Anto, tu voulais dire un truc? Anto? Ouais, bonsoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors déjà, bravo Tepa. Et donc après, moi, ce que je voulais dire, je pense que après, il y a deux époques différentes. Alors, je pense que Jean-Marie Le Pen a lui anticipé ce qui allait se passer, mais on était dans une époque plus apaisée, plus ap plus apaisée. Excusez-moi, plus apaisée. Donc, on a, je pense, deux façons de voir les choses, et ce qui fait qu'à l'époque son discours était peut-être moins crédible et plus crédible aujourd'hui. Un peu d'accord. Alors, qui est-ce qui veut intervenir là? Parce que je suis Jessica aussi, et après Val, et Lila aussi. Ah bah les filles, allez, une série de filles. En fait, voilà, c'est ça. C'est que je pense qu'en fait, c'est simplement qu'il n'a pas été politiquement correct là. C'est juste que aujourd'hui, comme on est de fait, de plus en plus de gens sont bien obligés de constater ce que lui a dénoncé depuis des années qui n'était pas encore visible, puisqu'il lui l'avait prévu. Il a moins besoin d'être virulent parce qu'il a moins besoin d'interpeller dans son discours. Par rapport à l'époque où il était en fait juste provoque pour interpeller les gens pour que son discours soit entendu simplement. C'est surtout ok que, Val et après Lila, vas-y. Il y a 30 ans on pouvait parler, tu vois, voilà, c'est à dire qu'on pouvait dire le mot juif à la télé, le mot noir, on n'était pas ostracisé dès qu'on nous disait ce genre de mots à la télé, quoi. Je veux dire, moi, ça fait des années que j'avais pas écouté un discours de Jean-Marie Le Pen ou que j'ai une interview de Jean-Marie Le Pen. Et c'est vrai que tous les souvenirs que j'ai, ils datent plutôt des années où on pouvait parler. Et mais du coup, je l'ai trouvé extrêmement, pas politiquement correct, forcément, parce qu'il a dit des choses très importantes, mais politiquement châtié, tu vois. Choisissant ses mots. Alors, il s'exprime extrêmement bien, mais ça va être dur de trouver quelqu'un qui s'exprime aussi bien que ce gars-là. Ça, c'est clair. Et puis, surtout, oui, apaisé sûrement, parce qu'il y a l'âge, mais pas aussi dynamique, mais c'est un peu logique, il y a l'âge, dans ses paroles. C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'il était sur la retenue. Parce qu'on parle plus en 2018 comme on parle en 2000. Bon, c'est fini, ça, on peut plus dire les choses. Donc il faut dire les choses beaucoup plus longuement, d'une manière beaucoup plus châtiée, pour histoire de faire surtout n'ostraciser personne, que tout le monde comprenne bien. Et ça, moi personnellement, je ne supporte pas, mais bon, malheureusement, on est obligé de faire comme ça maintenant. Ok, alors Lila, je crois que tu voulais parler. Lila, vas-y. Moi, c'est plus par rapport à la relève, en fait. Qui va prendre sa relève ensuite sur la scène politique? Moi, je suis d'accord avec Anto quand il dit que, en fait, c'est deux époques totalement différentes. Donc déjà, au niveau... il a parlé de l'époque de Jean-Marie Le Pen qui était plus apaisée, où on pouvait s'exprimer d'une manière un peu plus ouverte et aborder certains sujets qu'aujourd'hui, on ne peut pas aborder dans les médias dominants. Moi, je pense aussi surtout qu'il ne faut pas s'attendre en fait à avoir un homme politique ou une femme politique qui ait la même carrure ou la même façon la même force en fait pour porter son discours, parce que il faut savoir que notre génération et même la génération de ceux qui ont 40, même 50 ans, c'est une mentalité totalement différente, déjà dans la mesure où il y avait la guerre avant, donc il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Jean-Marie Le Pen, on sait qu'il a fait la guerre d'Algérie, etc. Et puis il y avait aussi une autre façon de vivre et de voir l'avenir qui est totalement différente de notre génération à nous. Et donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à avoir quelqu'un qui ait la même carrure, parce que déjà moi je pense que sur la scène politique aujourd'hui, il n'y en a pas. Et même ceux qui s'expriment très peu, même de l'esquin ou... même Philippot, etc., ça sera vraiment pas la même chose, ça sera vraiment différent. D'accord. Qui est-ce qui voulait prendre la parole? Je voudrais ajouter un truc. C'est... après réflexion, je me dis que peut-être qu'un Bruno Gollnisch aurait pu faire, je pense, beaucoup mieux le taf que Marine. En tout cas, j'ai toujours pu trouver droit dans ses bottes, clair sur des sujets. D'ailleurs... pour connaître des gens assez haut placés, enfin une personne assez haut placée au FN qui fait les bureaux politiques, il me confessait que Gollnisch serait plus dans une ligne de la base militante, mais que il était, je cite cette personne que je ne nommerai pas pour le protéger, mais que Gollnisch est invendable entre guillemets. Mais bon, je crois que c'est Skoul qui parlait notamment, on va dire, de ce que disaient les vieux monsieur, et ça je suis assez d'accord. Et je combinerai à ça ce que disait Lila, qui, je pense, en sous-main, sous-tendait l'idée que les Français, c'est vrai, ont tendance à attendre un peu le Messie, si je puis dire politiquement. On attend l'homme providentiel, le grand soir. Exactement. Et je pense que ça, c'est un problème, d'une, et que de deux, je pense qu'effectivement, il faut faire table rase de... Enfin, non, pas table rase, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Je pense que maintenant, c'est à nous, les jeunes, de prendre notre place, quelque part. Et moi, je trouve qu'un... Peut-être que je me fais des films, mais je trouve que, notamment, ce qui se passe autour de... du rapport dissident, de toi te pas, de gens comme Papacito, il y a quand même quelque chose, c'est qu'effectivement, c'est, ça parle aux jeunes. Et pourtant, ce qui n'est pas forcément chose facile pour inculquer à notre génération les idées patriotes. Et, exactement. Je pense qu'on doit, voilà, on doit s'axer sur ça, je pense. C'est à nous, les jeunes, de prendre la place dans le débat. Et voilà, en gros. Ça représente combien sur la jeunesse ? Pardon, ça représente combien ? On est combien, là ? Non, on représente 0,2% de la population. Non, je suis pas d'accord avec ça, Skoul. Je suis pas d'accord parce que là, on est en direct. Il n'y a pas beaucoup de monde, enfin, en soi. Mais il y aura peut-être des milliers demain, des dizaines de milliers qui vont écouter cette vidéo. C'est, tu sais, en plus, je sais pas ce qui se passe sur ma chaîne. En ce moment, mes vidéos marchent très très bien. Alors, je sais pas, celle avec Papacito, je crois, a dépassé les 130 000. Celle avec Daniel Conversano, je crois qu'elle est à 90 000. Et celle, Anthony, votre vidéo qui est sortie, je crois, hier, est déjà à 17 000. Ce qui est vraiment incroyable. Je préfère dire que oui, ça intéresse des gens. C'est-à-dire que les jeunes n'avaient pas. Et nous, de notre temps, c'est marrant, c'est ce que disait Caras, qui disait ils arrivent trop tard. il avait pas tort. C'est-à-dire que cette offre-là, elle n'existait pas de notre temps. Là, on est en train de créer quand même une offre pour déformater les gens. C'est-à-dire maintenant, ils ont le choix. C'est-à-dire en gros, avant, je veux dire, t'es gauchiste ou t'es gauchiste. Là, en gros, il y a deux offres quand même, quoi. Il y a ceux qui peuvent suivre le mainstream, et ils sont dans la télévision et tous les youtubeurs mainstream et la pensée mainstream, etc., etc. Ou alors, ils ont une autre offre à côté. C'est un peu comme Matrix, la pilule bleue, pilule rouge. C'est la même chose. Donc, ça n'existait pas. C'est quand même très nouveau. C'est vrai. T'es passé sur le Raptor aussi. Ah oui, bah le Raptor, évidemment, je le compte dedans, tout ça. Oui, c'est vrai que tu veux dire que mon passage chez le Raptor, certainement, oui, c'est vrai. Mais le Raptor, tu vois, justement, c'est quelqu'un qui a un grand rôle parce qu'il a une énorme audience de jeunes, et en faisant connaître d'autres personnes, comme il a fait avec moi, Mozy, etc., en nous invitant, eh ben il ouvre aussi le champ d'ouverture de son public, et c'est excellent, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que moi je trouve que le Raptor, il fait un travail excellent en ramenant justement tout ce public jeune. Je sais pas si tu as écouté la dernière vidéo de Michel Drac où il parle des générations qu'il a vécues, lui qui a la cinquantaine. Je pense sincèrement qu'en fait, ceux qui t'écoutent le plus, c'est la génération Y dont je suis issu et la génération Z. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette transition de ceux qui sont nés entre 80 et 95. Ils en ont marre. Même des gens de gauche, tu vois, ils en ont marre de, c'est tellement voyant ce mensonge que, ils sont sur Internet maintenant. Les plus jeunes, tu vois, qui sont nés fin des années 90, maintenant, la télé, à part Hanouna, en fait, ça les gonfle. On est dans une transition. Et toi, tu fais ce travail pour faire cette transition. Parce que, justement, au début, on avait que la télé, TF1, France 2, France 3, etc., M6, etc. Et là, c'est cette transition qui fait que, justement, tu as énormément de vues. Après, je crois pas être trop pessimiste. Donc, il va falloir anticiper maintenant. Comment on va se servir de cet outil-là qui nous permet de discuter à 20 000 bornes l'un de l'autre et de pouvoir se fédérer et pouvoir agir tous en même temps? Moi, je pense qu'on va commencer à avoir des problèmes. Je pense que, j'espère, plus qu'autre chose, et peut-être que j'ai tort, mais... J'ose croire que l'initiative du Raptor, le site Monter une équipe, donc en gros apporter dans le concret une partie de notre combat, je pense que ça va être une grande respiration. Oui, Tony, ça va épurer les choses, parce que même Piero San Giorgio en parlait, on peut dire ce qu'on veut du personnage, mais il y en a beaucoup qui disent et tout, mais quand t'es dans le concret, là c'est pas la même chose. Je parle pas concret d'être dissident, mais juste... de se parler entre nous, d'avoir des réseaux, faire des AMAP, des choses comme ça. Après, je veux pas être... Je pense que trop pessimiste, pardon, avant que je t'ai coupé, je vais peut-être agir à contre-courant, mais je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, Le Pen, c'est au présidentiel, c'était rien du tout. Hein. Et plus le temps a passé, et ça a pris vraiment de l'ampleur, avec sa fille qui a été qui a failli prendre le pouvoir. Bon, après, vous pouvez toujours critiquer, il y a toujours du bien ou du mal, enfin, si chacun y voit selon sa vision, mais je pense qu'on va pas être trop pessimiste, et plus le temps va... Le temps va passer et plus on va. Plus ça va se dessiner. Ouais, ça va se dessiner, je pense. Ouais. Moi, je suis entièrement d'accord. Et finalement, là, dans notre discussion, finalement, c'est l'union qui nous manque. Voilà, c'est là. Dire. Et on est tous dans. Tu vois, on cite tous des prénoms, des noms. Alors, voilà, tout. On vient tous de citer quelqu'un qu'on apprécie, qui a une orientation patriotique. Et je pense qu'en fait, voilà, il est là notre souci. C'est qu'aujourd'hui, on est tellement sur les détails du détail qu'on n'arrive plus à se concentrer sur la question principale. 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Je pense qu'il y a à dire c'est l'union, notre grand défi. Notre rassemblement. Notre grand défi, je pense, ouais, voilà. Passer par-delà les guerres de chapelle entre les gens comme nous, les racialistes pure souche, comme les appellent. Voilà, oui, mais bien sûr. Tout le monde. Tout le monde accepte. Qu'on accepte que ces gens-là, certes, ils pensent pas comme nous. Des fois, bah, surtout que je pense les racialistes, des fois ça me fait chier de les lire. Ouais, moi aussi. Mais faut accepter que ces gens-là, oui, dans l'absolu, ne sont pas nos ennemis. Bah, tout à fait, exact. Et vraiment, je pense que c'est le défi de notre génération de passer par là les conflits de chapelle. Bah, mais Tony, est-ce que c'est pas le bon sens, justement? Juste du bon sens, bordel. Mais en fait, sur le constat qu'ils font, je suis d'accord. Le problème, c'est quand ils vont taper sur un Papacito ou un Pierre-Yves Rougeron, parce qu'ils sont... Voilà. Je lisais tout à l'heure, parce que Pierre-Yves Rougeron vient de sortir sa vidéo d'entretien du mois de mars. J'ai du texto, Pierre-Yves Rougeron, c'est Attali avec un masque de droite, regardez son mariage. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Vraiment, c'est... Ouais, c'est ah ben ça, je suis entièrement d'accord. Alors là, je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, je trouve que, justement... S'il y a un combat qui doit être mené par ces gens-là du côté racialiste, moi aussi je suis prêt à l'entendre, il n'y a aucun souci, attendez, on va pas me dire que j'ai peur de ces sujets-là, ça c'est pas vrai. Mais en revanche, tu vois, l'exemple qu'il vient de donner, c'est assez révélateur. C'est-à-dire que maintenant, ça devient une espèce de... comme je l'ai dit, le stade anal du racialisme, ouais, il est marié avec une noire, ouais, c'est un sale type, machin. Non mais c'est quoi ces raisonnements simplistes? Vraiment, mais ça dépasse pas le haut de la cuvette des chiottes. Et si les gens pensent qu'ils vont faire un projet politique avec ça, ils rêvent. Je préfère être clair, ils rêvent. Mais ça crée la division. Mais... En fait, voilà, il faut qu'on arrête maintenant moi, les racialistes, les paracialistes, les tout ce que vous voulez, je sais pas. Hein. Mais je veux dire, à un moment donné, on a un pays à défendre. On a un pays à défendre, bordel de merde. Et c'est bon, quoi. Il faut y aller, quoi. Tu vois, c'est maintenant. Il faut arrêter tout ça. Arrêter de discuter du détail. On discutera du détail une fois qu'on aura gagné politiquement ou qu'on aura renversé ce gouvernement. Voilà, là on parlera de l'avenir de la France parce qu'on pourra avoir les clés de la construction. Aujourd'hui, on n'a même pas ces clés-là, quoi. On peut même pas penser de construire un pays. On n'a pas les clés. J'ai des clans du Périen qui débarquent sur le chat qui me disent mais Asselineau, c'est lui qui propose ce rassemblement depuis des années, mais vous restez bloqués sur des personnalités d'extrême droite. Mais est-ce que vous connaissez l'UDR? Arrête les conneries, putain. À un moment donné, tu es l'emblème parfait. Tu es métisse, né, je pense, il y a 35-40 ans. Vraiment, il faut arrêter. Je comprends qu'il y ait des racialistes. Moi-même, je suis en pur blanc. Je comprends. Mais à un moment donné, il y a la réalité qui vient en face. C'est pour ça que je préfère infiniment plus un TEPA, un Papacito, voire même un Carteron. Je suis désolé, oui, il est des Antilles, Carteron. Parce que là, au moins, il y a une fibre, tu vois. C'est Carteron, on peut en penser ce qu'on veut, il sait se battre et tout, il pense, voilà. C'est qu'il y a du dur derrière, il y a de la réalité. Quand j'en entends, ils disent, oui, pur blanc et tout, comme ça, ils mélangent tout, allemand, arien, tout. Je dis, ouais, et sinon, tu fais quoi? Tu fais quoi dans le réel? Bah, tu fais rien du tout. N'oublions pas qu'il y a de la frustration. On est dans un combat de. Non, mais on est dans un combat où on a de la frustration. Okay, il y a des gens. Non, mais oui, mais tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, là, on est en train de dire, on veut parler d'union. Et quand même, on tend toujours à essayer de critiquer de façon négative. On sait ce qu'on doit faire, la souveraineté. Moi, je pense qu'à un moment donné, la souveraineté, c'est notre objectif. Les mecs qui veulent pas suivre, ils suivront pas. Et puis, ils n'auront pas de pouvoir politique après. Justement, quand on avait parlé l'autre fois, toi qui es des origines, je crois, portugaises ou italiennes, enfin les deux. Ouais, les deux, c'est, moi, c'est fait. Oui. Non, mais justement, il y a quelque chose d'important là-dedans. C'est que j'en vois plein qui me parlent d'arianisme littéralement, sachant qu'il n'y a rien en fait à la base, vous voulez. C'était plus des indo-européens. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est surtout que ce n'est pas en cadre avec la réalité. Je comprends qu'il y en ait qui veulent faire que des blancs. Ça, je peux comprendre. Mais bon sang, est-ce que vous avez déjà fait un travail dans votre vie qui vous fait suer et où vous voyez la valeur de travail des gens? Un truc tout con. Est-ce que, vous êtes né en campagne ou en milieu semi-rural? Tu vois, c'est là que tu vois la différence entre... l'Internet est le vrai. C'est qu'il y en a, c'est des chevaliers bayards, comme dirait un certain Soral. Mais quand tu les vois en vrai, tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes complètement à côté de la plaque. Je suis désolé, le pur blond aux yeux bleus, je comprends qu'il y en ait qui veulent une communauté qui reste comme ça, je comprends. Mais ça va pas durer. Arrêtez, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a des métisses qui sont... pur raciste, je parle pas de tes parents, bien sûr, je parle pas de racialiste, je parle pur raciste. Le monde dans lequel on vit n'est plus comme ça. Debout. C'est pour ça que j'ai dit, je préfère un TEPA, un Papachito ou un Carteron qui soit patriote, tout simplement. Après, ceci dit, bon, le radeau est assez grand, hein, pour engager le combat politique, hein. Voilà. Venez tous, hein, les racialistes, les antiracialistes, les martiens, les vénusiens, tout est... Non, mais le combat est tellement grand que c'est discuter de la forme que pourra prendre le futur de la France, il n'est pas là la question, quoi. La question, elle est sur le fond, et le fond, c'est élite corrompue, et il faut les dégager, quoi. Il faut les dégager. Oui, il y a des problèmes de réalité, que ce soit dans des quartiers, dans certaines villes. Je connais très bien ce sujet. On en subit tous les conséquences. Et c'est facile de tendre vers des réflexions simplistes et purement haineuses. Et en fait, notre combat, il n'est pas dans la haine. Notre combat est dans la construction. Et à un moment donné, il faut qu'on se construise. Il faut qu'on se construise notre identité. Il faut qu'on construise notre nouveau socle national, quoi. Et ça, il faut qu'on se le mette dans la tête. Voilà. Comment et ça passera par des sacrifices de chacun. Comment on fait pour fédérer les mecs qui écoutent Raptor, qui écoutent Tepa, qui écoutent Papacito, ou qui écoutent Delesquin, qui écoutent du monde, et pour qu'on fasse une action ensemble? C'est ça le truc, en fait. Comment on fait pour se fédérer? On se met derrière un parti, on fait comment? Moi, je pense déjà que même si on n'arrive pas à fédérer les différents mouvements aujourd'hui en France, quand même, le fond du débat, le fond des réflexions, ça reste quand même la même. Et c'est vrai que cette histoire de racialisme, etc., il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est tous français, les gars, et que sincèrement, sur les 20 prochaines années, la France blanche, totalement blanche, etc., moi, je ne la vois pas. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'on est tous français et que notre combat, c'est la France. Et que ça soit au niveau... Moi, je pense que le combat, il est réellement au niveau matériel aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on commence à partir sur des débats racialistes et tout, je pense que c'est une perte de temps. Mais quand même, les gens s'expriment. Donc, même si on n'est pas d'accord sur certains points, les gens s'expriment. Et peut-être que l'union, ça sera peut-être pour les prochaines années, le rassemblement, pardon. C'est ce que je dis, c'est que c'est à nous, finalement, de dire « Ok ». Aux autres, en tout cas, la mouvance dite nationale, patriote, bref, à nous, je pense, un moment de dire « Ok, tu penses pas comme moi, mais on a un ennemi identifié. Je pense qu'il y a... » Alors, ouais, on en pense qu'on en veut, hein, mais je pense qu'il y a pire que... Il y a pire que la racaille d'en bas de la cité, dans l'absolu. Et à un moment, voilà, faut au moins réussir à passer cette étape. J'ose même pas imaginer ce qu'on réussirait à faire si on réussissait. On veut toujours un ennemi number one. Pour moi, il y a des ennemis. C'est tout. C'est-à-dire, dire que les racailles d'en bas sont moins impactants que les élites. Les deux, c'est le même ennemi. Ce sont les mêmes, c'est l'ennemi, c'est le camp d'en face. tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, des gens qui sont complètement déracinés parce que ils sont issus d'une culture X, voilà, extra-européenne, et sont avant tout, ils ont été amenés par des élites corrompues. Donc finalement, même si eux, ils c'est pas dans une volonté propre, en attendant, ce sont des ennemis communs, quoi. Tu vois, c'est ennemis qu'à un moment donné, on va combattre un, on va le combattre idéologiquement, et l'autre, on va essayer de le renverser. Ouais. C'est tout. Je suis d'accord, mais c'est ce que tu dis déjà plus ou moins. Je termine là-dessus. Je vais dire, le formuler comme ça, la racaille, c'est le balai, Soros, c'est les deux mains. Et bien sûr. On est d'accord là-dessus. Ouais, mais après, le gros problème qu'il y a, c'est que malgré tout, pour gagner politiquement, il nous faut des leaders qui en apposent. Et pour avoir des leaders qui en apposent, il faut quelqu'un qui arrive à réunifier tout le monde. C'est le problème que tu n'as pas signalé depuis un moment, avec le problème PR, les Patriotes et tous les partis de droite ou dits d'extrême droite qui se créent. Et au final, plus on crée de partis, plus on se divise et moins on arrive à suivre quelqu'un. Et, moi, je prenais Abruzzi, comme disait Papacito. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est crédible et qui peut, lui, par contre, fédérer, et, qu'on peut suivre politiquement et intellectuellement. Ouais, c'est d'accord. Papacito disait « Je suis capable de suivre Abruzzi. Moi, honnêtement, je ne me verrais plus suivre Papacito, personnellement. Mais ça, c'est des choix personnels après toi. Mais si t'amène, si tu choisis de choisir Papacito et que Papacito, il te fait figure de mentor, voilà. On va pas se voiler les faces. On a tous des mentors idéologiques. On a tous, on veut tous prendre exemple sur quelqu'un qui nous paraît mieux que nous, voilà. En termes d'intellect, en termes physiques. Donc, c'est des exemples. Ces exemples-là ne t'empêchent pas de t'unir avec les autres. Moi, c'est ça qui me commence, enfin, ce qui m'énerve, c'est, je t'empêche pas d'avoir un exemple. Au contraire, c'est ton moteur. Ça peut être un moteur dans ta vie. Ne rejette pas tout parce que, un dit, mon exemple à moi, il est meilleur que le tien. On s'en fout de ça. Mais moi, ce que je dis. Loin de moi cette idée, excuse-moi. Loin de moi cette idée. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Et moi, je suis d'accord avec toi, justement. Et pour t'appuyer, c'est ce que je dis. Je veux dire, Papacito est capable de suivre Abruzzi. Donc, c'est bien la preuve que, je veux dire, il faut aussi que les leaders d'un tel et un tel arrivent à converger vers une seule et même personne pour qu'on puisse tous aller vers cette même personne. Exactement. Et moi, je pense que, par rapport, par exemple, nous, on ne suit TEPA. Il y a des gens qui suivent Abruzzi, des gens Papacito. Et moi, je pense qu'actuellement, au lieu d'essayer de discuter à la façon dont on pourrait fédérer tout le monde, moi, je pense que le plus important, ça serait déjà de rallier soit nos proches ou des amis à notre cause propre, en fait. Par exemple, à Abruzzi, à inciter des gens à écouter Abruzzi ou d'autres de l'Escoin ou d'autres. Et je pense qu'on en est plus là aujourd'hui que d'essayer de fédérer tout le monde. Ce que j'allais dire à Basto, c'est que je pense... Je termine là-dessus, excuse-moi, vraiment dernière ligne droite. De toute façon, je pense qu'on va plus... C'est pas une personne qu'on cherche et qu'il nous faudra, mais je pense une fédération de toutes ces personnalités, je pense. Alors, c'est marrant que vous évoquiez ce sujet, parce que lundi, je vais recevoir Melvin Tallier, qui est un des assistants du général Tauzin, et qui ont créé une association qui s'appelle le Cercle d'études pour la Renaissance française, dans lequel ils ambitionnent de réunir toutes les forces patriotes, quelles qu'elles soient. Ça va de l'UPR au FN, il y a tout un tas de tendances et de couleurs différentes. Et leur but est de réunir le maximum de gens au sein d'une fédération. Donc, et puis je peux même vous annoncer que je suis invité à leur université d'été. J'ai plus la date exacte, mais c'est au mois de juin, qui se déroulera à Tours. Et je participerai à une table ronde avec Jean-Yves Le Gallou et Martial Bide. Voilà. La classe. Pour faire un rapprochement dans l'esprit de ce que vous dites en plus. Oui, clairement. Mais c'est surtout que je pense que c'est le prochain déclic qui va se passer. Ça veut dire que quand on voit l'évolution, dissidence, résistance, on a passé les paliers en fait petit à petit. Parce que les gens pensent que tout se fait en deux jours, parce que voilà, on a envie que ça se passe, quoi. On a envie, allez, ça y est, on veut que ça change. Mais. Depuis la création de tous ces mouvements, que ça soit de ces téléweb ou etc. Enfin, les émissions web, etc. Moi, je vois cette évolution et je ne peux être qu'optimiste. Enfin, moi, c'est quand je vois là aujourd'hui TEPA qui interview Jean-Marie Le Pen, mais je sais pas. Y a, moi, je pense quand même il y a des choses qui se créent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si c'était anodin, quoi. On est là, on presse, on le rend le truc anodin, quoi. Mais non, c'est pas anodin, quoi. Il y a quelque chose qui se crée, quoi. Et à un moment donné, j'ai batté pas, tu vois, t'as parlé de ce que tu viens de dire, bah, ça va faire encore plus avancer les choses. Ça va nous motiver encore plus. Et bah voilà, il faut continuer comme ça, quoi. Il faut continuer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bastos. C'est vrai que ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens sont pressés. Et je les comprends, parce que le temps joue contre nous d'une certaine manière. Mais en même temps, il faut se rendre compte que les mouvements résistants ou dissidents, vous appelez ça comme vous voulez, sur Internet, c'est quelque chose de très très jeune, en fait, hein, si on regarde bien. Eh oui. C'est vraiment très très jeune. Il faut le temps aussi que les générations, les plus jeunes générations arrivent là-dessus, etc. Moi, je vois que les générations, par exemple, de ma petite sœur qui a 15-16 ans, c'est des générations qui ne regardent plus du tout la télévision. Ils sont plus que sur Internet. Alors, certains vont me dire que c'est pas forcément bien parce que, bon, voilà, vous avez des Cypriens, vous avez. Il y a aussi des conneries sur YouTube, etc. Mais, par exemple, un Conversano ou un TEPA, vous pouvez pas les entendre sur TF1, quoi. Donc, même s'il y a de la merde sur le net, il y a aussi du bon et je pense qu'il faut laisser le temps de faire les choses, faut pas être trop pressé non plus, même si le temps joue contre nous et ça, je le comprends très bien. Bah, je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que ça fait quoi, peut-être 10 ans que sur YouTube les gens s'expriment. Moi, je dirais même que ça fait juste 5 ans en fait qu'on a autant de chaînes ou même des journaux indépendants sur Internet où les gens commencent à s'y intéresser vraiment. Et faut savoir surtout que, enfin, moi, je regarde la chaîne de TEPA, mais quand je vois il y a certaines émissions, j'en parle avec ma famille, je discute beaucoup avec mes potes au travail, quand je discute avec mes collègues, il y a plein de sujets où j'essaye maintenant de mettre mon grain de sel et un peu de remettre, de leur expliquer d'une façon différente de ce qu'ils lisent dans les journaux mainstream ou à la télé. Et je pense que c'est plus comme ça, en fait. Et c'est vrai qu'il faut être patient, partager avec son entourage au maximum, mais il ne faut vraiment pas être pressé. Et, ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, Sam. Ah bah, en plus, je vous confirme, ouais, puisque c'était déjà le cas il y a quelques années. Moi, j'avais déjà été contacté par des très, très gros médias pour participer à des reportages ou à des grandes émissions de télévision, et c'était déjà à l'époque, donc je vous confirme qu'ils sont à l'écoute et ils savent très bien ce qui se passe, et je pense même que ça les effraie. Je pense que ce que tu as annoncé là par rapport à cet événement à Tours, je pense que c'est une excellente nouvelle, parce que du coup tu as mentionné Martial Bild et Jean-Yves Le Gallou, donc Le Gallou, on va dire, affilié au cercle de l'horloge de l'Esquin et aussi TV Liberté pour ceux qui regardent les médias, et Martial Bild, donc TV Liberté également. Et j'ai remarqué que c'est, entre guillemets, deux dissidences qui ne connaissaient pas trop. Moi, beaucoup de gens que je fréquentais qui connaissaient TV Liberté ne connaissaient pas. Par contre, généralement, l'inverse, pas exact. Généralement, ceux qui te connaissent TV Liberté. Et je pense qu'il y a une occasion assez unique de faire une jonction à ce moment-là, je pense. C'est une occasion en or, je pense. Vous avez parlé d'Internet et il y a aussi, au niveau politique, hein, il y a Dupont-Aignan, hein, qui a fait le... Comment dire qui a pas eu peur, hein, qui les amoureux de la France, ça s'appelle. Pardon. C'est une association, c'est les amoureux de la France. Oui, oui, voilà. Et donc il a pas hésité il a pris son courage, hein, et il a appelé ses électeurs à voter Barine. Donc je pense que même politiquement ça germe et ça va se faire, je pense. Avec finalement, ça perçoit pas juste sur Dupont-Aignan comme quoi. Voilà, la peur, à un moment donné, le camp d'en face nous tient juste avec la peur. C'est pour ça qu'il faut qu'on se libère l'esprit, parce que finalement, bon, monsieur Dupont-Aignan, bah, voilà, aujourd'hui, il a toujours son parti, il a toujours ses fréquentations. Bon, ils l'ont peut-être un peu taquiné dans les médias, mais je veux dire, il est toujours là. Et ils n'ont pas pu l'assassiner parce qu'ils avaient aucune argumentation pour l'assassiner. Il a juste rejoint le camp de la vérité. Et à un moment donné, quand on rejoint le camp de la vérité, on peut rien contre vous. Et c'est pour ça, il faut se libérer de cette peur du quotidien. Et n'hésitez pas à parler autour de vous. Vraiment, n'hésitez pas et allez à fond, quoi, tu vois. On n'a rien à perdre. Et surtout, c'est pas ceux qui ont peur qui sont les violents. En fait, il y a une espèce de chape de plomb à faire exploser. On dit les choses tranquillement. Ah oui, bon, bah, on est nationaliste, et alors, vous croyez qu'on allait refaire un quatrième Reich? Mais non, c'est pas du tout ça. Absolument. Ça, il faut expliquer ça correctement, Jean, parce qu'en face, on a des névrosés, mais complets. Mais vraiment, on est tous névrosés à un certain niveau. Mais quand en face, tu as des gamins de 20 ans qui disent, ouais, nanana, le jour où tu as un régime fasciste, et je parle même pas que la France qui arrive, mais eux, ils peuvent même plus s'exprimer, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans le pays de la liberté, en fait. On est vraiment dans le pays des droits de l'homme. Comment tu peux, enfin, je sais pas, une faculté te permettre à des gamins de s'exprimer de la sorte? Dans quel pays tu vois ça, sérieusement? Ouais, après, moi, je voulais revenir. Bon, j'avais voté du Poignant en premier tour, donc moi, je pense que c'est quelqu'un, pour moi, déjà, qui avait un très bon programme. Et je pense qu'on a du poignant, personne n'a été assez dans le fond jusqu'à qu'il buzz un peu au deuxième tour. Il n'y avait pas tellement de monde qui avait été dans le fond alors que son programme était très bien, et même mieux que... Après, les avis divergent, hein. Mais voilà. Il n'y a pas de souci, tu as le droit de penser ça. Ouais, non, voilà. Il n'y a pas de problème. Je choisis quand même soigneusement tes mots parce que... ouais, je me doute. Donc, non, vas-y, je plaisante. Ouais, j'avais bien compris. Oh, c'est toujours mieux que la charte à Kencom. Ouais. non, mais du coup, moi, ce que j'avais dit quand je suis passé dans l'émission de Tepa, il y a un truc que je reproche quand même à la génération Internet, c'est que malgré tout, on va pas assez dans le, je trouve, des fois dans le fond, et je trouve qu'on a peur, moi j'avais dit donc à la chaîne, que on a peur d'investir et des fois de mettre de l'argent de notre poche et devoir se priver. Il va falloir, je pense, faire des fois se priver pour pouvoir justement. Aider des gars comme Tepa, comme Raptor Dissident, Papacito. Mais écoute-moi, c'est fait personnellement. Ouais, voilà. Non, mais après, je me doute. Même sur, je veux dire, là, je prêche limite à des convaincus. Je parle surtout pour ceux de YouTube. Les autres qui regardent ces vidéos, je veux dire, il y a un moment, il va falloir que nous, on prenne notre destin en main. Anto, franchement, un truc tout con. Parmi tous ceux qui sont connectés là sur le chat en direct de Tes Patriotes, qui bosse parmi vous? Là, ça va être la réalité concrète. Qui bosse pas? Moi. Ok. Moi. Je bosse. Madar, il bosse aussi. Non, mais on va dire de manière classique, que ce soit un patron de PME ou salarié. Ok. Après, qui est au chômage? Malheureusement, moi. Oui, ça arrive. Je l'ai été, t'inquiète. Maintenant, qui aurait ça? Personne, ça c'est parfait. Moi je suis indépendant pour nous. Un truc bon, j'ai fait un don à Tepa tout à l'heure, mais moi je sais exactement la somme, il faut oublier, c'est 32 euros, c'est par hasard, c'est moi j'ai des interprétations symboliques. Qui fait des dons, pas qu'à Tepa, mais vraiment une, comment dire, une idéologie sur lequel ou laquelle il est d'accord? Qui fait des dons régulièrement parmi vous? Franchement. Moi. 1% du budget. Bon, bah là, ça fait plaisir. Vous êtes plus nombreux qu'on pensait. Ça veut dire qu'on est une minorité, en fait. En fait, si vous regardez bien. Ok, on fait des dons, mais il faudrait aller à l'étape supérieure. C'est-à-dire vraiment, peut-être créer une entreprise, tout simplement. Ah, bah oui. Ah bah c'est l'action. Sûr. L'action. Mais tu as tout à fait raison, Harmonie. C'est la phase d'après, on a fait le constat. Maintenant, on est dans la phase d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour modifier le sens des choses, mais concrètement dans l'action qui va agir sur la réalité. Et pas seulement, évidemment, oui, certains me disent des mots, d'ailleurs ça me fait rire, parce qu'on me dit des mots, oui, tu fais que parler, tu fais des émissions. Bah oui, mais déjà c'est énorme, C'est déjà pas mal, ouais. Après, il y a l'action. Et moi, en plus, j'en ai fait de l'action. Je peux te dire, j'en ai fait du terrain. Donc, je peux en parler aussi, mais c'est très dur. Hein. Mais par contre, ça a des effets directs. Oui, bah, il faut aussi on apprenne aussi à se construire soi-même. Hein. C'est ça aussi. Parce que, bon, tout nous est tombé dessus, nous. Enfin, on est des générations. Alors, je dis nous, attention, génération, moi, je suis vers les années 90, quoi. Génération Y, comme disait Michel. Voilà, Y. Donc c'est vrai que nous, on s'est pris tout sur la tronche. C'est-à-dire, on a eu une liberté de parole avec Internet entre nous extrême, mais en même temps, on était restreint dans la réalité. Donc ça veut dire qu'on était, on se sentait plus serein dans le virtuel que dans la réalité. Aujourd'hui, on est obligé de se reconstruire dans cette réalité. On voit donc cette réalité complètement dégueulasse. Ça aussi, et il y a plein de frustrations qui naissent de tout ça. On a peut-être raté nos études pour certains, parce que voilà, t'as des psychologiques, tout ça. Enfin, c'est tout ça, ça joue. Et donc aujourd'hui, on est dans une construction. Je pense que, et c'est pour ça quand je dis vraiment, il faut qu'on apprenne à se construire, quoi. Vraiment soi-même et se construire en commun, quoi. C'est le plus important. Et de ce que je parlais, je crois que c'est Bastos qui s'est exprimé. Quand j'ai vu la vidéo de Michel Drac qui a la cinquantaine, j'ai tout de suite compris. Tu sais pourquoi on parle de génération millennium ou ailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1980 et 1995? C'était les premiers Walkman, en fait, avec les rollers qui mettaient, ça faisait, tu sais, chez les gars et les gamines, en fait, quand tu étais au soleil, ça faisait le Y sur ton cou. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est-à-dire que toi, tu fais partie de ça, moi, personnellement, je suis né fin 1986, c'est qu'on a été la transition où on a vu, en tant que gamin et adolescent, l'arrivée d'Internet. C'est pour ça que la génération de nos petits frères et petites sœurs ne peuvent pas le comprendre, parce qu'ils sont nés avec ça. Oui. Tu vois ? C'est-à-dire que moi, j'ai vu mes parents étant gamins, ils regardaient avec les vieilles télés en noir et blanc parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Pourtant, ça existait depuis longtemps, tu vois. Et nous, on est cette génération de transition. Et nous, on sait encore s'exprimer à peu près correctement en français. C'est dans quelle année, Monique ? Je suis né en 1986, 23 décembre exactement. Ah, ok. Un matin du pot. Bah oui, bah. Et j'ai vu cette transition. Moi qui suis né dans un milieu semi-rural, même ma petite sœur qui est née en 96, elle a encore eu le privilège d'être éduquée par des institutrices et des instituteurs de l'époque. Exactement. Et mais c'est maintenant, très... juste je vois l'orthographe, pourtant je ne suis pas un dieu de l'orthographe ou même pas de la grammaire, je dis c'est une catastrophe. Et je ne parle pas de gamins issus de pays immigrés, c'est qu'ils ne savent même plus s'exprimer à la base. C'est le fameux « quand même ». Quand on dit « quand même », combien de fois vous avez vu « quand même » C-O-M-2-M-E « même » au lieu de « quand même » Juste ça. Il y a aussi... Arrêt. Genre, mais c'est genre... t'as vu, genre... Et après... Après, on digresse un peu. Arrêt. Mais Harmonique, c'est hyper drôle ce que tu dis, parce que moi, je suis née en 94 et mon petit frère en 99. Et quand tu vois l'écart de la mentalité, c'est hyper drôle. Et en fait, il sait pas écrire ou il est tout le temps sur son Snap et tout. Et moi, il y a plein de choses qui m'intéressent pas justement par rapport à ça. Et pourtant, c'est 94 et 99. Ouais. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir des profs communistes issus tout droit des écoles ou des révolutionnaires de 68, vous n'avez pas connu les nouvelles méthodes d'éducation qui étaient en test dans certaines écoles parisiennes. Moi, je peux vous dire que ce que vous avez connu, c'est de la gnognotte à côté de ce que moi j'ai connu avec des profs gauchistes, grosses barbes, qui ne faisaient pas lever quand le professeur entre en cours, ils faisaient monter sur des tables, ils trouvaient ça marrant. Ou des profs qui chahutaient avec les élèves, tu vois. C'est des nouveaux concepts d'éducation qu'ils avaient inventés. Si c'est pas de la destruction, ça, franchement, c'est quoi ? Déjà, moi, je me rappelle quand on était petit, j'ai une cousine du même âge, nos parents, ils s'arrachaient les cheveux quand on rentrait de l'école, et je me rappelle qu'ils nous faisaient la misère, alors autant à elle, autant à moi, pour qu'on lise, pour refaire les cours, et je me rappelle que ma mère répétait souvent, vous allez à l'école toute la journée, de 8h à 16h, et quand on rentre, les enfants rentrent à la maison, il faut leur refaire encore les cours, leur réexpliquer parce qu'ils n'ont pas compris, et ils s'arrachaient les cheveux. Moi, j'ai une question ici. Qui a des enfants ? Moi, j'en ai plein. Moi, j'en ai pas. Ah ouais. Et je peux t'expliquer la raison. Je peux t'expliquer la raison. C'est pas parce que j'ai pas femme actuellement, mais c'est que je suis anxieux de nature et j'anticipe trop l'avenir, en fait. J'arrive pas à... Je peux pas me faire un Inch'Allah dans ma tête, si tu veux. Non. Ouais, c'est ça. Ben moi, je vous dis, c'est encore pire quand vous avez des enfants, vous verrez. Et j'espère que vous allez en avoir, parce que c'est un petit peu le but aussi dans la vie, hein, c'est de ne pas s'arrêter, ne soyez pas égoïste. Continuez à vivre à travers vos enfants aussi. Et vous verrez que c'est encore un souci supplémentaire. Ça me blague. Non, mais en fait, les enfants, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Moi, je dis, on s'inquiète beaucoup, puis on a des enfants, ça. Tu sais, à 11 ans, les enfants font déjà leur vie maintenant. Pour l'orthographe, il y a un truc qui a beaucoup tué l'orthographe, c'est la méthode globale, quoi. Et aujourd'hui, on veut revenir à la méthode syllabique. C'est dont je parlais, la méthode syllabique et méthode globale. Alors, la méthode de base, c'est la méthode syllabique, tout simplement. Tout simplement. Et c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé en Afrique, j'étais dépassé par les élèves africains qui avaient eu la méthode traditionnelle de nos grands-parents ou de nos parents, tout simplement. Ou même de la génération précédente. Les blédards congolais, notamment, je pense cet exemple parce qu'à côté, enfin, chez moi, il y en a plein. Ils te parlent un français que... Enfin, tu comprends, ça, y a pas de souci. Mais quand ils utilisent des mots comme « présentement », là, c'est des trucs que nous... Oui, mais c'est les roulés, ça. Ouais, mais c'est beau. Moi, je trouve, d'une façon, c'est beau. Et c'est pareil, les Québécois, ils utilisent... Bon, il y a aussi de l'anglicisme chez eux, mais aussi des mots de français qu'ils ont conservés et qu'on n'utilise même plus. Bien sûr. C'est effarant, vraiment. Là, je voulais revenir sur un truc, si vous me permettez. C'est sur aujourd'hui la dissidence dernièrement. J'ai vu qu'Alain Soral attaquait Papacito et Marceau. Ambassade, s'il vous plaît. Ouais, mais bon, alors, c'est quoi, franchement, laisse tomber ce genre de commentaires. Parce que, en fait, ouais. Après, ça ravive encore les trucs et ça ravive les trucs. Franchement, je préfère pas qu'on parle de ce monsieur. Tu vois, parce que, en plus, pardon, je t'ai coupé, Topaz. On vient de dire tout à l'heure, c'est vrai que la division, ça suffit. Donc, on peut remettre une couche, quoi. Donc, ça reste du voici, quoi. Ça reste du voici. Ouais, moi, pour moi, justement, je préfère développer un discours, comme vous l'avez dit, d'unité, qui est d'ailleurs un nouveau point de basculement, tu vois, entre guillemets, dans cette dissidence. Je déteste le terme, mais bon, c'est ce que ça reflète. Bah, il y a un nouveau point de basculement avec le fait que maintenant les gens sont capables de passer au-dessus. C'est-à-dire que même dans l'association dont je vous ai parlé, il y a des mecs de l'UPR assis à côté de mecs du FN, assis à côté de mecs de DLF, à côté de mecs de l'Action Française, à côté de machin. Donc ouais. Ça, c'est quand même aussi nouveau dans la mentalité. C'est un truc que, il y a encore, je suis sûr même un an, il n'y avait même pas ce truc-là encore. Ouais, tout ça pour dire qu'il y a eu un gros gâchis finalement, et que le mec nous a fait perdre 10 ans, tu vois. Il nous a monté là-dedans, on doit le reconnaître. Ouais, il faut rendre à César ce qu'il y a César. Quand enfin bref, c'est pas ça c'est pourquoi je voulais intervenir. Parce que je voulais intervenir quand on parle des racialistes, des ethno-différentialistes ou des racistes tout simplement. Quand vous disiez oui, nous on est la France, nous on est aussi français, machin et tout. Alors moi je suis d'accord avec vous, je vais pas vous enlever votre identité française, elle est là, vous l'avez dans le cœur, dans l'âme, c'est super. Mais tu peux pas reprocher à des gens qui subissent, qui sont blancs en France, de se dire que ouais, mais bon, quand même, tous ces gens bigarrés en France, c'est quand même le résultat du mondialisme et de la politique d'immigration. Et de se dire, ben merde, ouais, bon, on va peut-être faire avec eux, mais on voudrait bien rester entre nous aussi, parce que être français, tout simplement, c'est être français, quoi. Donc, si seulement ils disaient juste ça. Mais ils disent, en fait, ils disent, en même temps, ils disent d'autres choses, peut-être pires, peut-être insupportables à entendre pour toi, avec tes oreilles. Mais moi, je trouve, je peux pas leur enlever la légitimité de pouvoir le dire, parce que en même temps, c'est une certaine réalité aussi. On partage le constat, ça, on est d'accord. Tu vois, alors, c'est pour ça que sur ce sujet-là, moi, je veux dire, franchement, je pense que vous êtes peut-être même plus nombreux qu'eux, enfin, ou plus nombreux qu'eux, c'est genre, parce que moi, tu vois, mes enfants sont métis aussi, donc, tu vas pas dire, je vais pas, si demain, s'il y avait une purge à faire, à racialiser la France, il faudrait que je bute mes propres enfants, ce qui n'a aucun sens. Mais, merci, ouais! C'est ce que je disais. Ah, merci, c'est que ces tu nous rassures, Caras. C'est ce que tu ne suis pas les conseils des racialistes à la lettre. Il y a admiré mon calme, n'est-ce pas? Ces gens-là ne doivent pas être pris comme des ennemis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas nos ennemis. Mais bien sûr, mais ça on a compris. Mais comme te disais, est-ce que tu peux faire. Ouais, mais c'est ce que tu disais. Est-ce qu'on peut faire un programme de Papacito, il est marié avec une Congolaise, fils de pute, on va te remigrer. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais ça a aucun sens. Bah de toute façon, il faut me remigrer avec, hein, parce que moi c'est pareil. Alors, non mais tu vois, ça n'a, non, mais... ça n'a pas de sens. Non, mais après, moi, je vais redire ce que j'ai dit hier, parce qu'en plus ça a été coupé. Moi, ce que je pense, c'est que oui, évidemment, la France de base, c'est une ethnie d'Européens blancs. Ça, personne, faudrait vraiment être con pour vraiment dire l'inverse. Maintenant, il y a eu l'histoire de France. L'histoire, c'est que la France, elle s'est projetée. Elle s'est projetée loin. Elle a créé des nations partout. Elle s'est métissée, c'est-à-dire le peuple français, dans son acceptation même, a admis l'idée qu'il y allait avoir une petite part de non-blancs dans la France. Effectivement, cette part, tant qu'elle était à la marge, et on va dire minoritaire, ça ne posait pas de problème à l'ensemble. C'est-à-dire, ça ne menace pas l'édifice, entre guillemets. Ça faisait même sa particularité ou sa singularité. Or, aujourd'hui, la situation n'a rien à voir. Et effectivement, la situation n'a rien à voir. Rien à voir par rapport à l'invasion migratoire, etc. Mais le problème, c'est qu'il s'est aussi passé, entre-temps, des métissages, donc des gens qui sont à la fois moitié ethniquement français, moitié d'une autre ethnie, qu'elle soit africaine, asiatique, ou sud-américaine, ou européenne, les franco-italiens, franco-espagnols, les franco-portugais, etc., il y en a en pagaille. Donc, il y a tous ces gens-là. Moi, c'est ce que j'appelle les Français par nature. Voilà. C'est-à-dire, ils ne sont pas des Français de souche, mais ils sont par nature, parce qu'ils ont quand même une demi-souche. Et en plus de ça, ils ont une autre origine. Mais ils sont par nature français, puisque bien souvent, de toute façon, ils sont nés en France, ils ont vécu ici, parlent français, ils sont dans la culture française. Bon, je pense que déjà, quand t'as été élevé par un des deux parents français, t'es déjà dans la francitude ou la francité, ou voilà, on peut trouver tout ce qu'on veut comme néologisme. Après, il y a ce que j'appelle une troisième catégorie, c'est celle-là qui posera en plus, évidemment, un problème à ceux qu'on appelle les racialistes. C'est les Français, pour moi, par adoption. Parce que dans tout ça, alors ils sont certainement pas des millions, mais ils existent. Des gens qui ne sont pas d'origine européenne, qui sont extra-européens, qui ne sont même pas de culture chrétienne, des fois, et pourtant, qui vont être nés ici, qui vont vivre ici, qui vont s'adapter, complètement se fondre et finir par faire partie de la France. Et... Comme Jean-Fin sans placer le raciste. Pardon ? Ou comme Jean-François sans placer, si tu veux, oui, quelque part. Mais voilà, lui en plus, c'est un cas d'adoption réel en plus. Mais moi, évidemment, c'était par image, métaphoriquement, l'adoption de effectivement adopté par une nation. Alors évidemment, ça ramène au concept de nation civique. Ça aussi, ça dérange. Mais pour moi, si on va en tout cas dans ce sens d'aller vers un nationalisme exacerbé, qui dit vraiment oui, la France, ça suffit, oui, c'est la France, et que la France, les Français, bah, c'est qui les Français? Bah, c'est ces gens qui forment trois catégories. Ceux qui sont pas d'accord, ils sont plus Français. C'est-à-dire tous ceux qui refusent, ceux qui le sont de souche, parce que c'est ça qui est paradoxal, c'est que dans les catégories en question, même chez de souche, il y en a qui refusent la France, ce qui est même si c'est un peu schizophrénique pour eux, mais c'est un fait. Et il y en aura d'autres par adoption qui vont défendre la France et qui vont effectivement de ce fait devoir rompre avec leur ethnie ou origine ethnique ou culturelle. Donc c'est un choix quelque part. Mais il faut admettre l'idée que soit ces gens-là que j'ai décrits, donc tous ces Français qui ne sont pas de souche, donc qui sont par nature ou par tradition français, on les évince, mais ça fait beaucoup de monde à évincer, et c'est des alliés de la France. Et les évincer où et comment? Et en plus, sachant que, évidemment, pour les Français par nature... La question n'est même pas, parce que voilà, comme tu l'as rappelé, Caras, tu vas pas buter tes propres enfants. Je pense que c'est un peu le raisonnement que beaucoup de gens auront. Et en plus, on va oublier que voilà, ce sont aussi des familles. Parce qu'on parle d'une personne, mais une personne n'est pas seule. Elle a des frères, des sœurs, des cousins. Donc, tous ces gens-là ne seront aussi pas d'accord, parce que tu vas pas renvoyer leurs cousins, tu vas pas renvoyer leur petite sœur. Tu vas expliquer à la grand-mère, ah ben non, votre petit-fils, il est pas de la bonne couleur. Tu vas voir comment elle va te recevoir, même si c'est une bonne blanche, tu vas voir que tu vas pas t'en prendre une. Donc, moi, je me dis, il faut trouver une solution pour qu'on puisse à la fois éviter une guerre civile. C'est, il faut pas avoir peur du mot quand je dis guerre civile. Yes. C'est vraiment le comment dire, un bain de sang, parce que c'est un peu quand même des fois ce que ça augure quand on laisse voir la situation comment elle pourrait évoluer. Ou alors aussi la partition, c'est-à-dire partition réelle, parce que là on vit une partition mitigée, un peu inconsciente, parce que c'est le communautarisme naturel qui fait qu'il y a des regroupements, mais c'est un mouvement qui est en train de s'accentuer, et demain qui pourrait prendre carrément un corps politique. C'est une vraie séparation. Moi, je ne suis ni pour cette séparation, ni pour la guerre civile. Je préfère être clair. C'est pas ma position. Je n'encouragerai jamais à la guerre civile, et je n'encouragerai jamais à la sédition. Je préfère être clair. Et après, c'est comment trouver justement une voie qui soit une solution. Donc moi, j'ai exprimé pour ma position, c'est que il faut aller vers un nationalisme exacerbé qui aura le mérite de faire une sélection naturelle. Sélection naturelle, je m'explique. C'est-à-dire que justement, ceux qui se préoccupent majoritairement de l'avenir de ce pays et de ce territoire, ce sont évidemment ces Français de souche. Donc ils seront nécessairement majoritaires dans tout mouvement nationaliste patriote. Mais il prend... on va dire, dans l'escarcelle, ceux par nature, et presque ils n'ont pas le choix, et ceux par tradition, qui, pour pas refaire l'erreur des harkis, quoi, quelque part devant l'histoire, voilà. Tu m'étonnes, et c'est moi ce que je dis, tu vois, à mes camarades racialistes, je leur dis, écoutez les gars, je vous entends critiquer souvent les autres, mais surtout, et puis il y en a beaucoup en plus qui pensent comme moi, c'est faites les choses pour vous-même, reconstruisez-vous vous-même, au lieu de stigmatiser les autres. Oui, lui, il est passé blanc, ou Papacito, il a vécu noir, ce qui est complètement stupide, parce que Papacito ne s'est jamais revendiqué en tant que racialiste. Moi, ce qui me semblerait absurde, c'est qu'un Conversano ou un Boris Lelay, oui, soit avec une noire. Tu vois, là, ben, le mec, il prend la race blanche et tout, et puis il a du chocolat toute la journée, ça n'a aucun sens, tu vois. Par contre, moi, je voudrais te compléter, je sais pas s'il y a quelqu'un, vas-y, Cara, je sais pas si je t'ai coupé. Un petit peu, ben, je vais finir. Ah, donc. Désolé. Donc, et surtout vous, ou nous, parce que là, je me considère dans votre camp, parce qu'on est ensemble, il faut surtout qu'on se dise que nous sommes nous sommes le résultat d'une politique contre laquelle nous luttons aujourd'hui. Donc, effectivement, on est ce qu'on est, on vient d'ailleurs, on s'est marié avec des gens d'ailleurs, on a fait des enfants métis et tout, mais c'est nous qui ne sommes pas la norme, et c'est pas les autres. C'est nous qui ne sommes pas la norme de la nature. Dieu a fait l'Afrique, les Africains en Afrique, les Européens en Europe, les Asiatiques en Asie et tout, et tout, et tout. Et nous, on est le produit quand même de la mondialisation, de la colonisation, finalement, d'hérésies humaines qui ont sévi jusqu'à nos jours et qui sévissent encore. Donc, c'est à nous de dire oui, bon, effectivement, on va défendre notre pays, on va défendre la France. Et puis, la France, doit rester au maximum ce qu'elle a toujours été, un pays européen, donc avec des Européens, quoi. Et si on part de toute façon sans être dans la confrontation, en disant vous êtes des sales cons racistes, de toute façon, nous, on est plus français que vous, parce qu'on écrit mieux français que vous, de toute façon, et puis, tu vois, moi, j'ai 3 médailles pour la France, tu vois, comme le mec, le Sénégalais adopté, qui dit, eh ben, moi, je suis plus français que toi parce que j'ai des médailles. On s'en fout de ça, man. T'as eu de la chance d'avoir été adopté, tu te la fermes. Et quelque part, c'est pas très représentatif, quoi, de mettre une équipe de foot ou des coureurs ou des footballeurs ou des trucs qui viennent d'ailleurs. C'est des mercenaires, finalement. Est-ce que c'est vraiment le peuple français qui gagne les médailles ou ce sont des mercenaires, même peu importe l'histoire? Je trouve ça n'a aucun sens. T'inquiète pas, monsieur Carras. C'est comme, je sais pas, quand tu fais un concours de vaches picardes, tu prends pas un buffle tanzanien qui a grandi en Picardie. Tu prends une vache picarde qui gagne un concours de vaches picardes. Tu vois, c'est logique. Il y a toujours un retour de force. Ça a été importé, non, mais il y a toujours un retour de force dans la nature. La nature, elle cherche l'équilibre. Là, on est en train de se poser ces questions. Il y a des pays qui ne se posent pas ces questions, justement. Donc, c'est bien qu'on a toléré, entre guillemets, notre modèle de pensée, etc. Oui, on regarde la déclaration des droits de l'homme, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose dans l'absolu. Mais dans le relatif, ça marche pas. Vu que l'immigration majoritaire aujourd'hui vient d'Afrique, du Moyen-Orient, c'est pas des peuples et des cultures qui ont la même façon de penser que nous. Et nous, on voudrait, en l'espace de quelques décennies, les adapter, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comme le disait Jean-Marie Le Pen, il le disait bien, ça dépend le nombre. Quand on parle des musulmans, bah oui, centaines de milliers de musulmans en France sont intégrables, assimilables. Mais 15 millions, non, parce qu'ils n'ont pas besoin de s'intégrer à nous, puisqu'ils forment un monde dans un monde. Ils forment un peuple, un autre peuple, parmi une nation. Donc, non. Surtout, Caras, c'est surtout, je vois, on dit des musulmans, c'est surtout l'aspect communautaire. Quand je leur cite, ne serait-ce que, un des premiers versets, Al-Baqarah, tu me dis quoi? Ils sont incapables de répondre. Enfin, c'est vraiment des communautés ethniques à la base et communautaires. Il n'y a même pas la religion là derrière. Et après, ils vont te dire, il y a tel imam et tout, parce que c'est des sunnites la plupart, mais même les chiites, c'est la même chose. Et en fait, ils n'ont aucune capacité de raisonnement. En fait, la vraie frontière, c'est que on a eu la France catholique, ok, on pense qu'on veut soit du catholicisme, qui était, entre guillemets, soumis en partie, ce que je comprends, mais il faut pas oublier que la France, et surtout l'Europe, les pays du Nord, même les pays asiatiques du Nord, on est des pragmatiques. C'est-à-dire, on peut avoir une spiritualité, on est d'accord, mais il faut qu'il y ait du sens derrière. On n'est pas en train de dire « Dieu en a décidé ». Maintenant, c'est fini ça, les gars, faut se réveiller. Et c'est ça, en fait, le clash. C'est qu'il y en a, ils disent « Oui, mais nous, on a fait ci, fait ça, je suis originaire du Maghreb, je suis arabe ». Mais non, tu n'es pas un arabe, tu l'es peut-être éthiquement et ethniquement, au niveau maghrébin, tu l'es ethniquement, mais tu vis dans un pays occidental qui fait que tu as les iPhones et tout, l'électricité et tout. Donc, tu te dois de vivre dans un pays ou dans un monde où il y a du sens et du pragmatisme, tout simplement. Et après, là, la conception de Dieu, elle change complètement. D'accord avec toi. Moi, par exemple, là, je suis ethniquement, du Sud. Mais voilà, je me sens français. Je suis un enfant de la France. Du Sud. Pardon ? Non, je t'ai quitté. Ah, j'ai pas entendu. Désolé. Donc, je disais, oui, je suis un enfant de la France, comme plein dans le Discord, hein, qui sont comme moi, qui sont pas français de souche. Après, je peux faire un peu l'avocat du diable. Hein, je m'adresse aux nationalistes blancs. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Moi, personnellement, ça me saoule un peu. Mais bon, je compatis, je comprends leur combat. Le petit problème, c'est que c'est vrai que ça divise plus que ça rassemble. Et j'espère qu'ils vont changer d'orientation, c'est-à-dire tous ensemble, pas que blancs à 100%. Et voilà, c'est un peu comme ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que... Attends, Kamel, je vais prendre un peu la défense des nationalistes blancs. Parce que moi, par exemple, théoriquement parlant... Je suis quand même assez proche du logiciel des nationalistes blancs. La différence avec certains d'entre eux, pour moi, c'est que moi j'aime bien aussi avoir une vision très pragmatique et très proche du réel, et que je sais que ce que certains nationalistes blancs voudraient, ça sera pas forcément applicable, et de toute façon, c'est même pas souhaitable que ça soit applicable. Après, cette espèce de repli identitaire ou de ce repli entre blancs, je peux comprendre que ça en saoule certains, mais il faut comprendre que c'est un mécanisme de défense naturel aussi. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça. On nous a gavé pendant 40-50 ans avec une idéologie dont on connaît le nom, dont on connaît les tenants et les aboutissants. Et aujourd'hui, je pense que certains blancs ont eu besoin de cette protection-là. C'est pour ça que j'ai rajouté, je compatis et je comprends leur point de vue, leur combat. J'ai juste dit que j'ai peur que ça risque de diviser, mais plus que réunir. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Moi, ce que je remarque, c'est que du côté des nationalistes blancs, on pourra toujours, je vais être un peu cru, mais des abrutis, il y en a partout, tu vois. Mais moi, ce que je remarque, c'est que, par exemple, un conversano qui est un nationaliste blanc revendiqué, mais le mec, il passe chez TEPA, il invite TEPA chez lui, et dans toutes les vidéos que je l'ai vu faire récemment, il remercie TEPA de l'avoir fait passer, il le considère comme un vrai ami dans le combat, etc. Donc, si tu regardes des gens comme lui, tu peux pas dire qu'ils sont dans la division, au contraire, ce sont des gens qui sont capables de faire des concessions. Bah, alors, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais dire justement, malgré ce que je pense, de la plupart des sionistes blancs. Toutefois, quand on voit la démarche telle que l'entreprend Daniel Conversano et on pense qu'on veut de lui, de ce qu'il produit, je pense que s'il réussit à servir de point de référence au nationalisme blanc en France, il y a bon espoir qu'il n'y ait pas d'entrave à une union. En tout cas, si il y a des nationalistes blancs qui écouteront cette émission après à la rediff, si vraiment j'ai un message à vous faire passer, c'est vraiment ne claquez pas la main qu'on vous tend, qu'on vous tendra, à voir comment ça se passe. C'est entre patriotes, exactement. Patrick, tu voulais parler, on t'a coupé, je crois. Ouais, non, mais je m'en rappelle même plus. Mais je suis assez d'accord, Hassan, avec ce que tu dis. Moi, de toute façon, je ne vais pas tomber dans la stigmatisation vulgaire, on va dire. Maintenant, je pense avoir la même position que toi. Je trouve que certaines personnes, par rapport à ce qu'on nous a dit tout à l'heure, le genre de réflexion, si tu veux, un peu bas du cerveau, qui n'amène rien, finalement, pour moi, ça ne fait pas avancer la cause générale même des Blancs, si on veut en venir à ce stade-là. Parce que c'est aussi méprisable lorsqu'on va voir des extrémistes noirs s'exprimer en disant « les Blancs, faut les tuer, les Blancs, c'est la pire race, c'est le diable, etc. J'ai, » j'ai le même esprit de révulsion totale, tu vois, quand j'entends des discours comme cela, avec un discours inversé, où ce serait le Blanc qui serait... Enfin, le Noir serait, évidemment, la bête immonde à abattre. Et je trouve que on est dans une espèce d'extrême. Maintenant, la situation... je la comprends, ce qui est en train de se passer, et quelque part, je pense que ces gens qui vont vers un nationalisme blanc exacerbé veulent pousser le curseur à droite. C'est-à-dire, vraiment, élargir, justement, en poussant tellement à droite, que finalement, ça ramène aussi le reste du champ et le spectre politique aussi à droite. Et du coup... ça, si tu veux, il se présente finalement comme un espèce d'absolu inatteignable, parce que l'ultra pensée d'une espèce de quoi d'assainissement de l'Europe qui tombe vraiment dans, alors dans ce cas on sera en guerre totale, si j'ose dire, mais triste jour et triste sombre jour à venir dans ce cas. Et on ne sait même pas ce qui pourrait en sortir de ça, parce que moi ce que je vois, ce qui pourrait ressortir de toute façon à la fin d'une, entre guillemets, prétendue guerre civile ou affrontement généralisé, ce sera l'éclatement total des nations, divisées en parcelles, en régions, machin, etc. Enfin, on ne connaîtra plus jamais l'équilibre d'avant, et la France, ce sera vraiment terminé, là. Vraiment terminé de chez terminé. Je pense qu'il y a un virage plus malin à jouer, plus politiquement acceptable. Et moi, je vais me situer plutôt dans cet espace, justement, qui ne sera pas cet ultra-curseur de l'ultra-droite, mais peut-être plus à gauche, certains diront. Mais en tout cas, pour moi, un espace qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, et plus aussi, oui, fédérateur. Parce que si on veut arriver à mettre et à faire basculer l'opinion de notre côté, c'est avec le maximum de gens. Et pour avoir le maximum de gens... C'est pas en se coupant des gens, justement. Moi, j'accepte de recevoir tout le monde et de parler avec tout le monde, donc je ne me coupe pas des gens. Mais je sais très bien que, tu sais, c'est les gens, tu les ramèneras pas directement au bout du bateau, à la droite, comme ça. Tu vois, il y a un cheminement à faire avant, quoi. Moi, je pense qu'on a un super modèle en ce moment et qui vient en plus de gagner les élections en Europe, c'est Viktor Orban. Viktor Orban, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on dit là, hein, et... même sur sa politique libérale, et en même temps, il nationalise certaines entreprises cruciales, enfin, certains secteurs d'activité cruciales pour la souveraineté de son pays. Je veux dire, il est contre les migrants, mais si tu te maries avec quelqu'un d'origine étrangère ou de race autre en Hongrie, tu peux vivre quand même à partir du moment où tu respectes la loi. Il est vraiment la synthèse de ce qu'on prône nous, quoi, en fait. Et moi, je te dis, peut-être que là, on est dans une période où le modèle, où la personne à suivre, elle n'est pas en France, elle est peut-être, comment ça s'appelle, en Hongrie, hein, en Europe et en Hongrie. Moi, pour moi, c'est mon truc. Moi. C'est faire un mouvement français, voire européen, derrière Viktor Orban et son parti, quoi. Lui, c'est le top, quoi. Pour moi, il n'y a pas mieux. Hein. Ouais, mais alors, Il y a juste un souci. Attends, je réponds juste une seconde après, Harmonique, je te donne la parole. Moi, je vois juste le souci dans cette stratégie. J'aime bien l'idée, tu sais, des nations européennes qui s'unissent. Mais là, si tu veux faire basculer les choses, en plus, tu sais très bien qu'il y a ce sentiment, justement, d'anti-européen, entre guillemets, très très puissant dans la société française. Là, les ponts, tout de suite, moi, je dis, il faut d'abord reprendre le pouvoir et après, tu fais les ponts. Moi, je crois que le sentiment anti-européen, il n'est pas anti-européen. Il est vraiment anti-Maastricht, anti-Bruxelles, il est contre le... Oui, anti-Union européenne. On peut préciser, voilà, mais bon, c'est compris. Mais c'est anti-Union européenne. Même les Allemands, je veux dire, on s'est foutu sur la gueule avec les Allemands aujourd'hui. Qui va aller faire la guerre contre l'Allemagne? Quel Allemand voudrait faire la guerre contre la France? Ça n'existe plus. Tu vois, l'erreur, c'est... Effectivement, il faut des liens avec l'Afrique et la France pourrait avoir des liens privilégiés avec l'Afrique, mais là, il y a une pente à remonter quand même, parce que là, on est quand même décrédibilisé à mort. Mais je pense que pour l'instant, il faut tourner notre action et tout vers l'Europe. Hein. Mais justement, Caras, regarde, un truc tout con. Que ce soit le nationalisme, ce que tu penses, le racialisme, la réalité fait que actuellement, il faut qu'on ait, justement, comme disait Tepa, que ça se... qu'on retrouve nos bases. En fait, c'est du bon sens. C'est-à-dire que... comment... c'est pas de toi que je parle, mais... un gars, il dit, ouais, je veux que des blancs et tout. Ouais, bon, bref. Comment il peut faire ça en action actuellement? C'est pas possible. Le monde dans lequel on vit ne fonctionne pas comme ça. On a d'abord une nation à récupérer, comme disait Tepa, et après on verra en tant qu'Europe. Mais le côté on va tout révolutionner, non, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, c'est pour compléter, parce que je voulais compléter ce que tu disais tout à l'heure, Tepa, au niveau de la sélection naturelle, et je pense que c'est très important de faire des lois pour redonner l'identité française. Ça, c'est ce qui est le plus important. Et pour les racialistes blancs qui souhaitent une nation blanche. Mais votre projet, il est sur le long terme, il n'est pas sur dans 15-20 ans. C'est-à-dire, une fois qu'on aura éliminé les ennemis idéologiques, à ce moment-là, vous, dans un futur plus lointain, vous pourrez dire, voilà, on voudrait être génétiquement blanc, c'est votre problème. Vous serez la majorité, puisque vous serez la majorité. Donc ça, si ça devient votre projet par la suite, tant mieux. Moi, je vais pas me battre pour ça, personnellement, parce que sinon, vous allez m'éliminer. Donc je vois pas l'intérêt de me battre pour un projet qui veut m'éliminer. Pas forcément. Je finis sur ça. Ce que je veux dire, c'est pour rassembler tout le monde. C'est-à-dire, à un moment donné... vous allez pouvoir, quand vous allez créer une réelle minorité, c'est-à-dire une minorité vraiment qui peut pas agir, quoi, voilà, hein, on parle de 5% de la population, à un moment donné, vous allez l'absorber par les divers métissages. Au bout de 4-5 générations, si une personne noire s'est métissée avec 4 personnes, tu vois, d'affilée blanche, je suis désolé, à la fin, le résultat, c'est blanc, quoi. Voilà, ça sera plus noir. Bastos, tu fais bien de dire ça. À un moment donné, il y a la réalité. Il y a la réalité. Et l'objectif, si vous voulez un objectif politique pour les racialistes, c'est à un moment donné juste réduire vos ennemis idéologiques. Si vous voulez faire une solution finale, vous allez le payer, ça. Et on l'a déjà payé, la solution finale. Non, mais Bastos, regardez le résultat. Les nationalistes blancs ne disent pas ça. Je veux dire, regarde l'émission quand Conversano est passé. Lui, il fait de la métapolitique. Donc. Il encourage les Blancs à se communautariser, à rester entre eux, à faire des projets communs, parce qu'il ressent ce besoin ethnique de se défendre. Okay. Ensuite, il a dit, ça c'est pas un combat politique, c'est purement de la métapolitique, et quand on lui a posé la question de savoir est-ce qu'au niveau politique, il n'y a pas un combat style, je sais pas moi, contre l'islam, contre le gauchisme, etc., qui serait plus intéressant et fédérateur à mener, il a dit bien sûr que oui. Donc, le mec, les nationalistes blancs sont pas en train de te dire qu'il faut faire une solution finale pour les noirs et les arabes. C'est pas du tout ce qu'ils sont en train de te dire. Non, mais je te parle même pas de ça. Pourquoi j'en viens à ça? Parce que c'est les discussions qu'on a eues ici et les représentants sur ce Discord même. Alors, à un moment donné, s'il y en a un qui représente mal, ça, c'est le problème. Moi, j'ai jamais entendu un nationaliste blanc sur ce Discord dire qu'il fallait éliminer les noirs et les arabes. Jamais, jamais. Non, non, il n'y a pas eu ça, mais si tu veux, le non. problème, c'est que ça, ça fait d'air pas. Ça aussi extrême que ça, je suis d'accord. Ça fait d'air pas. Ça, on n'est pas dans un truc où. Voilà, c'est pas l'union, quoi. Ouais, tu vois, voilà, je suis désolé, à un moment donné, t'es plus sur. Moi, j'en ai pas d'un, il voulait renvoyer, mais que Bastos en Papouasie. Mais je sais pas. Ça rassemble. Alors attends, Lila, œil, tu voulais dire un truc, vas-y, œil. Les blondes aux yeux bleus, ça fait d'air. Attention, oui, tu vas devoir buter tes gosses. Vas-y, Pierre. Ouais, moi je voudrais juste faire une petite précision, notamment sur les racialistes blancs. Il faut aussi comprendre qu'il y a quand même un ras-le-bol chez ces gens-là. Comprenez bien. Alors, j'ai entendu tout ce que vous disiez pour les métis, etc. Et j'adhère, hein, attention, hein, j'adhère. Hein. Ne me prenez pas mes propos. Mais il y a un moment. C'est usant pour nous de devoir faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Alors forcément, c'est extrêmement facile pour un racialiste de prendre la solution la plus simple et de dire, ben, on va aller à l'extrême, c'est-à-dire la race, la race, la race, le plus petit dénominateur commun, parce que il y en a marre de devoir faire des tris dans des phénotypes et de savoir qui est bon ou qui n'est pas bon pour rester sur le territoire. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Donc c'est la solution de facilité, effectivement, de dire la race, la race, la race, la race. Donc il faut effectivement trouver une alternative à ça pour qu'on puisse finalement tous se regrouper et reconstruire à nouveau un pays sur lequel il était bien. Après effectivement... Recréer une identité avant. Avant de recréer une race, recréer ton identité et après... Mais attends, mais moi, j'ai pas recréé mon identité, j'ai pas justifié mon identité. Je suis français, blanc, c'est tout. J'ai pas justifié à un métis que ma francité... Ouais, j'ai pas justifié ma francité ou ma blancheur, tu vois ce que je veux dire. Pour recentrer un peu le débat et poursuivre ce que vous disiez là, c'est que pour revenir à Jean-Marie Le Pen, je pense que c'est important de revenir à son message de fin, justement, qui est de c'est avant tout, je pense, un combat personnel. Et Caras avait raison dans ce qu'il disait, c'est-à-dire que il y a des gens comme Pierre qui savent précisément quelle est leur identité en tant que Français, et il y a des personnes comme Bastos qui ont besoin de la définir encore et d'arriver à cheminer dans ce sens pour fédérer un maximum justement et en faire un combat individuel et personnel aussi. Pas seulement un combat de groupe, mais arriver dans notre comportement de tous les jours à changer et à voir les choses autrement et à envisager le futur autrement. Excuse-moi, Bastos, tu es de quelle origine ? Non, mais moi, j'ai pas des origines extra-européennes, en plus, j'ai des origines européennes. Mais... C'est un putain de macaroni et de pizza. Non, mais moi je suis français déjà, premièrement. Mais non, mais... Tu es marié, ta femme est blonde. Non, mais à un moment donné, moi je peux pas me dire ce discours. Ça serait hypocrite ma position. C'est-à-dire, je suis. Tu vois, moi quand je discute avec des mecs de souche, moi, je lui dis, ouais, mais moi je suis content que tu sois de souche. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci. Et au contraire, je souhaite que ça soit toi qui soit promu. Je ne veux pas être l'étendard de la France. Mais je veux. La culture française. Je me définis en tant que français. Je suis français. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, moi, les mecs qui viennent, qui me disent, mais non, moi, j'ai si, ouais, je suis breton. Ben, déjà, en plus, tu vois, ils citent des identités régionales, quoi. C'est-à-dire, concrètement, aujourd'hui, l'identité française, c'est plusieurs identités, quoi. Mais toi, t'es afro-descendant ou pas? Non, du tout. Ok. Parce que moi j'avoue... C'est quoi ces questions de nazis? Ah ouais, tu vois, t'en arrives à là. Ah non, quoi, mais attends, c'est le quatrième Reich, là. Attends. Je veux dire, à un moment donné, t'es afro... Tu vois, tu vas devoir justifier... Ah ouais voilà, de attends, tout, mais c'est chaud. Comme dirait, ça a déjà commencé. Comme dirait Pierre Proche, on dit que des juifs se sont introduits dans la salle. Vous pouvez rester. Bah, tu vois, c'est ça le problème. Il y en a qui disent les corps, quoi, il y a... Alors, parle-moi, je t'écoute. Non, mais je veux dire, il y a des identités régionales qui sont très fortes, par exemple, tu vois, actuellement. Est-ce qu'on peut parler... Alors, à ce moment-là, eux, ce sont c'est différentes ethnies. Donc, est-ce qu'on reconnaît le fait qu'il y a déjà, de base, il y a différentes ethnies en France? Oui, des ethnies... Qui incluent une race et une culture différentes dans le même peuple français. Non, mais par exemple, quand en Afrique, les ethnies, c'est des gens qui parlent des langues différentes, mais qui sont de la même race. Définissez ethnie, les gars, je pense, à la base, parce que ça n'a pas le même sens, justement, en France et sur le continent africain, par exemple, là, vu comment vous le voyez. En France, par exemple, tu pourrais dire la même chose entre les Bretons, les Picards et tout. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai jamais eu ce problème. Moi, je suis métisse, hein, je suis autrichien et allemand. Par contre, bon, je suis français d'adoption, donc. Et c'est vrai qu'on m'a jamais demandé d'où je venais, quelles étaient mes origines. Et c'est vrai qu'en tant que métisse européen, bon, c'est plus facile, c'est vrai. Moi, bon, je sais pas si c'était pour moi, il y a toi, enfin dans le chat, mais bon, bref, moi je dis, moi je suis français, ok, tu C'est vois, moi, t'as rien j'ai dit. pas, Non, mais mais la différence, bah, à un moment donné, c'est il faut que même arrêter. si on a des identités régionales, on parle tous la même langue, on a tous la Oui, même voilà. constitution et on répond tous aux mêmes lois déjà pour commencer, si on veut partir sur une base. Moi, je suis d'accord. On m'a surtout dit, Caraste, mais toi, t'es surtout métisse, troll et gobelin, en fait. Et c'est pour ça que tu me fous la merde à chaque Après, moi fois. j'ai déjà entendu quelqu'un dire ici qu'un Lillois qui vit à Marseille, il doit migrer à Lille, tu vois, donc on entend de tout. Ah si, Voilà. c'est vrai, je l'ai Oui, entendu moi aussi, mais aussi. des extrémistes, il y en aura partout, C'est mais sauf fou, que hein. ces extrémistes-là, tant qu'ils ont leur fenêtre d'expression, ça leur empêchera pas de se positionner sur quelque chose de moins extrême dans la réalité. Bon, Genre après, Sahel, est-ce que d'ailleurs, Marseille si est vous encore en écoutez. France? Ça, c'est une bonne N'aventurez question. pas. Ce qui est intéressant, Moi, je dis non, hein. Bah, vous connaissez la blague. On dit que c'est la première ville algérienne sur le, tu sais, dans le Paris-Dakar. Justement, regardez ce qui est intéressant. Il y a combien de femmes par rapport à deux mecs sur le Discord là? Il y a que Jessica, il y a Val et Ah, il y a tout. Lila, il y Ah a bah, il y a Nadou, Lila, il y a René. y a Nadou. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Vas-y. Intéressant, pourquoi? Non, mais il y a Parce moins que de je filles. Il y a toujours moins de filles, de toujours. toute façon. Déjà, il y a toujours moins de C'est filles. Et partout, c'est ça, comme les ça. gars, je vous ai dit que dans les milieux malheureusement extrémistes, les filles, elles ont plus peur de se mettre en danger. Donc forcément, il y a moins de filles que dans un milieu convenu et plus neutre. Jessica, on est d'accord que c'est dans nos tripes que ça se passe, ça. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe dans notre équipe? C'est-à-dire? Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Elles sont toutes différentes. En plus, Jessica, Lila, Nadou, c'est que Véronique, elle est là aussi. Bah voilà, Véronique. Ouais. Ben, c'est ça. Je vais pas oublier Véronique. Déjà, C'est la on est mascotte. chargé de testostérone plus à la moyenne que les femmes. Et les quelques femmes qui sont là nous remettent d'aplomb. En fait, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'était super positif, c'est très motivant. En fait, c'est la première fois que je vois des femmes relever le niveau du débat, hein, quand même. Dans le... Oh, Oh cet putain, enfoiré, putain, mais c'est comme tout ça une, quoi. simplement. Ouais, il va y avoir du monde sur le bateau, Non, mais c'est que. Ah, ça y est, j'en peux plus. Ah J'en peux merde. plus, là, Allez, ça y est. Véro, lâche-toi. Ah, bah voilà, Ah, Véro. putain, je prends mon Véro, pied, non, là. vas-y, vas-y. T'as Allez, déconné, continue, les Caras. petits gars. Il y a le maréchal, là. Il y a le maréchal qui autorise. Vas-y, Véro. Vas-y, là. Non mais Véro, attention, elle a un fan club maintenant. Dès Défonce-nous. qu'elle La parle première sur le chat, tout le monde est Sans la Véro, MG Véro. 37. Véro, Volksführer, on t'écoute. Elle Non, non, je suis pas nazi, je suis pas nazi, non, non, non, non. est française, Véro. C'est pas pareil. Oh, tu sais pas ce que tu Je suis perds. française, ouais. Et je suis celte en plus, hein. Un petit coucou aux celtes qui Ah, nous mais écoutent. ah, c'est marrant que tu dises ça, Véro, Véro. Regarde, justement, je veux rebondir sur ça. Tu vois, tu précises quand même un truc qui est important. Dans la construction de la France, tu vois, post-républicain. C'est-à-dire, il y avait déjà des ethnies différentes. On est bien d'accord ou pas sur Je ça? dirais pas des ethnies, je dirais des cultures. En fait, chacun a sa petite culture Mais locale pas dans des son Latins, des Celtes voilà. et des Germains? Non, Mais c'est ça. on est tous un mélange de tout ça. Voilà. La Non, France mais avant. c'est. Mais on est français et c'est ce qui nous réunit justement, ce qui nous réunit les uns les autres, c'est parce qu'on est français, Bien quelle sûr. que soit la région, parce que la France, elle est belle, putain, elle est belle, elle est magnifique. Voilà. Exactement. Vastos, moi je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que c'est des. Moi je parlerais plus d'ethnies différentes, mais sur le long terme et sur l'histoire, c'est un rassemblement d'ethnies différentes qui fait qu'en fait la France se retrouve avec une seule ethnie. Enfin, Oui, une et seule. puis il y a aussi le rôle de l'Église là-dedans, dans l'histoire de France, c'est que l'Église en France, elle s'est fondue avec les traditions locales et elle en a fait des traditions nationales. Bah, exactement. Mais justement, c'est ça, justement. Jessica, tu mentionnes un point qui est hyper important. Ok, le Christ, on est d'accord. D'ailleurs, J'ai écouté un live, le dernier live du Raptor Dissident, il y avait Virginie Vota, etc. Mais c'est un truc tout con. L'Europe a été en partie récemment basée sur le christianisme, on est d'accord. Oui ? Ouais, mais c'est récent. Ah, attends. Non, il a raison. Regarde bien. En fait, ce qui a fait que moi, j'ai fait ma première et ma deuxième communion et tout, j'en cherchais pas le sens, c'est que le christianisme, Jésus, vraiment, il a fait exploser le sémitisme dont il était originaire. On est d'accord. C'est-à-dire, il n'y a plus de vengeance de Yahvé, là. Ouais, c'est intéressant, ça, vas-y, ouais, ouais, ouais. Si tu regardes bien, c'est pour ça qu'en fait, les peuples du Nord, surtout européens, ont accepté ça, malgré qu'ils étaient païens. C'est qu'il y avait une logique là derrière. Quand le Jésus il dit, si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue. En fait, si tu le comprends bien, si on te frappe sur ton visage qui est matériel, tu tends ton visage spirituel. C'est que ça... En fait, il a fait la scission entre le monde de l'Ancien Testament, qui était hyper violent de Yahvé, tout simplement, et que, si tu écoutes bien ce qu'il dit, si tu lis bien ce qu'il dit, ça naît de la vie, c'est-à-dire, en fait, du mode égyptien de la vie. C'est-à-dire, c'est exactement du modèle indo-arien. C'est pour ça qu'en fait, l'Ancien Testament ne peut pas être appliqué dans le Nouveau Testament, pas plus qu'il peut pas être appliqué dans l'islam. C'est qu'il y a vraiment une scission. C'est que Jésus, s'il a été, monté en tant que Dieu, ce que je pense que c'est vrai, c'est qu'il a cassé tout ça. C'est-à-dire que les religions sémitiques d'origine sumérienne et judaïques qui ont été, il y a Jésus, il a cassé ça. Et l'islam est venu renforcer ça. Tu n'aurais jamais pu avoir une Europe chrétienne avec l'idéologie vétérotestamentaire ou islamique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Moi, j'entends me dire qu'il y a certains Oleg est en train de convulser de rage. Longtemps de christianophilie. Non, sinon, non, je veux en venir, en tout cas, plus sérieusement. Non, ce que je veux dire, c'est que la parole de Jésus, qui a bâti, enfin, qui a quand même forme, enfin, qui a influé l'Europe, c'est pas un hasard, c'était pas par force. C'est que ce qu'il disait avait du sens. C'est pour ça que moi, qui suis de culture catholique, je me revendique pas chrétien, mais christique, tout simplement parce que les paroles du Christ ont un sens qui est complètement à l'opposé de l'Ancien Testament et de l'islam, tout simplement. En fait, quand tu regardes Jésus, c'est déjà le premier marxiste, c'est une critique d'un monde luciférien, romain et juif de l'époque, mais qui ne le remet pas en question, ce qui te donne juste de nouveaux codes pour vivre mieux dans ce monde fabriqué par l'homme pour l'homme. Tu vas pas être un avec Jean-Robin, toi. Oui, mais Carassia. Attends, laisse-moi finir, j'ai pas fini. Et moi, par exemple, dernièrement, j'écoutais un gars, Facoli, là, je l'ai partagé et tout, et moi, je me sens beaucoup plus attiré par la description qu'il avait, lui, de la religion traditionnelle africaine et originelle que par les religions abrahamiques et même chrétiennes, où que Dieu ne parle pas aux gens, Dieu est, et ne s'occupe pas des affaires des hommes, et que pour les invocations, on a d'autres divinités. Je me sens plus proche des animistes, plus proche de la nature, plus proche d'un Dieu qui nous dépasse totalement, plutôt que toutes ces explications abracadabrantes que les religions abrahamiques nous ont données. Je suis assez d'accord. Attends, juste, excuse-moi Lila. Caras, regarde l'étymologie du mot Dieu et tu comprendras beaucoup de choses. On n'est pas du tout un peuple sémitique, tout simplement. Bien sûr, parce que Dieu ne se venge pas, Dieu n'est pas jaloux, Dieu fait simplement tourner l'univers. Il fait tourner les atomes de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Dieu est par ce qu'il a permis, le miracle de la vie, quoi, tout simplement. Mais Caras, pardon, je te coupe, tombe pas dans la division, pareil, tu vois, c'est encore une erreur. Le nationalisme religieux, moi, je le prends dans le radeau, avec, voilà, donc ce sera toujours bon à prendre. Là, Caras, il y a des gens qui veulent te réémigrer. Je sais pas où, mais ils disent la comparaison entre Marx et Jésus, ça les rend fous. Du coup, c'est un aller-retour pour Vienne, là, je crois. Ok. Moi aussi, j'y crois pas trop au salut par le Christ et la religion, mais bon, c'est toujours mieux que de ne rien faire et de subir comme ça jusqu'à la. Non mais là où je suis pas d'accord avec vous les garçons, c'est que justement on constate aujourd'hui l'échec de la religion chrétienne en France. Et là, Caras, il vient d'amener un truc intéressant qui pourrait raviver la religion si on la rattachait à des trucs qui soient plus en adéquation avec nos connaissances et la science qu'on a aujourd'hui. Justement, Jessica, je vais finir. Tu ne peux pas, en tant que Français ou Française, comme tu es même des peuples du Nord, avoir une spiritualité s'il n'a pas de sens là derrière. C'est-à-dire, tu peux avoir une croyance et tout, dire Dieu et tout, s'il n'y a pas le sens derrière, ça ne marchera pas. On est des peuples à l'origine matérielle, purement païens. C'est pas des idolâtres les païens, ça veut dire des paysans, c'est ceux attachés à la terre. Et c'est pour ça que le Christ a marché. Tout simplement parce que le Christ, il a dit quoi? Il a dit vos trucs de communautaires de juifs, bah, je suis désolé, ça ne marche pas pour l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que le christianisme a marché. C'est pour ça que le christianisme a marché, bon sang. Le christianisme est un judaïsme traître pour Goy. Je suis désolé. Et j'y ai pas cru jusqu'à pas longtemps, mais c'est la vérité. Le christianisme, je le redis, oui, est un judaïsme pour Goy, qui ont un minimum de façon de penser. Non, bah après, si ça peut permettre d'unifier, de rassembler les patriotes en France, bah, tant mieux. Voilà. Bah, en tout cas, j'ai un petit message, justement, aux chrétiens, et y en a beaucoup en ce moment, qui se re-christianisent, puisque la France se re-christianise, et je trouve qu'il ne faudrait pas qu'ils se chrislamisent. C'est-à-dire que... l'oppression, justement, qui existe, la coercition, la sévérité, la rigueur de l'islam, l'effet par, on va dire, comme un effet miroir, se comporter certains comme les musulmans, c'est-à-dire, ils prennent la religion chrétienne qui doit s'imposer à tout le monde de façon véhémente, voire par la force. Et je pense, alors là, en toute modestie, que c'est contraire même au message du Christ qui veut convertir par l'amour. Et c'est ce que j'allais dire, t'es pas, c'est dans une autre mesure, c'est même incompatible avec le message du Christ qui disait « Rendons à César ce qui est à César et rendons à Dieu ce qui est à Dieu », c'est-à-dire laissons au peuple les affaires du peuple et la politique et laissons à Dieu les affaires du divin et de l'âme. Et ce serait bien qu'on essaye d'emprunter un peu plus... voilà, quoi. Parce que tu peux pas séparer la morale. C'est quand on dit on sépare le... parce que maintenant séparer le religieux, enfin de la vie publique, en fait c'est les gens qui disent oui mais on peut pécher quand on est un homme politique et tout, mentir, tuer, voler, mais à la maison écoute non, là on redevient chrétien. Non, je pense qu'il faut appliquer des valeurs. Non, c'est mal comprendre le message de Jésus. Ça, c'est justement de ne pas remettre à Dieu le pouvoir des politiques, c'est-à-dire de bien gérer les questions et de ne pas se laisser avoir et d'être beaucoup plus investi, je pense, plutôt que de se laisser guider par des maîtres. En fait, c'est ça le message de Jésus. Ce n'est pas, pas de laisser aux politiciens faire ce qu'ils veulent sur Terre sous prétexte que ça ne dépend pas de Dieu. Alors, il y a 6 millions qui auraient voulu intervenir. Ouais, bonsoir à tous. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Topa, quand tu dis qu'il ne faudrait pas que cette re-christianisation devienne une chrislamisation, c'est-à-dire un christianisme extrême, avec la sévérité, comme tu l'as dit. En fait, ça me fait penser à une observation personnelle, hein, toute personnelle, que j'ai faite essentiellement... en observant donc les réseaux sociaux surtout, et En fait, je constate que dans cette mouvance, on va dire dans les mouvances nationalistes en général, hein, vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans, il y a eu donc un regain de foi catholique, mais essentiellement dans le courant traditionnaliste. Ceux qui, à un moment, avaient été séparés et que le pape Benoît XVI a voulu réintégrer dans l'Église. Parmi les traditionalistes aussi, il y a donc ceux qui sont encore plus extrêmes, ceux qu'on appelle les cédévacantistes, qui ne reconnaissent pas les papes actuels, etc. Et j'ai pu remarquer que, en fait, ce christianisme-là est particulièrement sévère. Ils sont très attachés à la loi et je trouve que c'est un retour au judaïsme. Un petit peu comme les protestants finalement, qui regardent beaucoup la loi, le permis, il est défendu, faut faire ci, faut pas faire ça, faut pas s'habiller comme ça, etc. Et ça, justement, le Christ, il est venu casser tout ça, comme le rappelait quelqu'un tout à l'heure. Il est venu casser tout ça. Donc, il y a vraiment un sens spirituel à comprendre, hein, que défend l'Église catholique, et ces courants qui se sont séparés, hein, comme les cédévacantistes, ils ont gardé un côté dur. Et quand on regarde les différentes interventions sur les réseaux sociaux, on voit que ça sert plus d'étendard à un militantisme politique que à une motivation spirituelle profonde. Et ça, je trouve ça extrêmement triste, personnellement, mais en tant que croyant convaincu. Et il y a un côté extrêmement dur, quoi. Voilà, hors de l'Église, pas de salut, les gens pourront pas être sauvés. Voilà, il y a vraiment des trucs comme ça qui rejoignent ce que tu disais, cette sévérité, et ça va de pair avec ce militantisme, pour le coup assez fermé, qui n'offre pas beaucoup de possibilités d'ouverture. Voilà. Moi, je comprends ce que tu dis. Alors, qu'est-ce que Max, tu voulais dire un truc après? Ouais, vite fait. Max. Salut tout le monde. Ouais, en fait, c'était pour revenir justement sur ce côté religieux. Il faut bien voir le catholicisme en France. Bon, déjà, je pense qu'en France, au moins 50% des Français sont athées. Et c'est qu'il y a bien une raison, c'est que l'Église... Bon, on va parler de Vatican II. C'est vrai que Vatican II, c'est un moment charnière dans l'histoire de l'Église. Mais l'Église en France, tu vois, plus ou moins en Occident, elle est en totale déliquescence depuis la Renaissance. Et ça s'explique, c'est pour ça qu'après est apparu le protestantisme, c'est pour ça qu'il y a eu des guerres de religion, parce qu'il y a énormément de gens qui ont été déçus de l'Église catholique et qui petit à petit ont abandonné ce processus, surtout à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Parce que, je veux dire, on parle là où effectivement on peut déblatérer sur le message de Jésus, tout ça, c'est vrai que c'est beau, etc., etc., mais si on parle vraiment de Rome, du pape, de ce qu'il représente, de ce qu'il a fait à travers l'histoire. Moi, je veux parvenir sur l'histoire des indulgences, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est que les papes vendaient les places au paradis. Alors, il y avait des gars qui faisaient des tueries pendant des décennies, puis après, ils allaient voir le pape, et le pape, en échange d'une grosse somme d'argent, leur disait « Ouais, ben, vous pourrez aller au paradis ». Et ça, je veux dire, il y a plein d'exemples comme ça. Alors, on va me dire « Oui, mais tu le fais exprès, ou tu prends ces exemples exprès, tu vois, pour cibler, pour descendre le pape et tout ». Mais je veux dire, déjà, il faut faire une autocritique. Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Moi, c'est ça qui me dérange. Moi, je suis athée, mais c'est vrai que j'aime la culture catholique. C'est pour ça que déjà, je fais le distinguo entre catholique et protestant, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais après, qu'est-ce qu'on veut comme catholicisme? Si on veut un catholicisme à la François ou à la Jean-Paul II, ou si on veut un catholicisme français, parce qu'il faudrait un catholicisme français, on ne peut pas être sous tutelle de ce catholicisme qui, depuis longtemps, a abandonné toutes ses valeurs, a retourné sa veste X fois. Et après, une autre remarque que je voulais faire vite fait, on parlait tout à l'heure des ethnies ou des cultures différentes en France. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que qu'est-ce qui a fait la nation? Mais après, on peut s'entendre aussi sur les évolutions de la nation, parce qu'il y a eu Philippe le Bel, il y a eu François Ier, il y a eu Louis XIV. Mais qu'est-ce qui a vraiment construit la nation française? C'est la Troisième République. Donc, c'est la République qui a fait la France, quelque part. Et ça, c'est quand même une étape importante. Je parle au niveau politique et au niveau union. Ça s'est fait par les hussards noirs de la République qui ont martelé pendant 30-40 ans que la France, c'était le drapeau, il fallait donner le sang à la patrie, etc. etc. S'il n'y avait pas eu ce brainstorming, on en serait encore comme à l'époque avec d'un côté les Auvergnats, à l'époque qu'a connu un peu Pagnol, avec les Provençaux, les Catalans, etc., où chacun parlait son patois, chacun dès qu'il quittait son bourg allait à 30 km de chez lui, il rencontrait un autre gars qui parlait un autre langage. Vous voyez, donc on ne peut pas tout jeter non plus. Je suis 100% d'accord avec toi, je tiens à le dire. Vas-y, continue, Max. Là, j'ai fini, voilà, c'était juste... Tu sais quoi, je suis 100% d'accord avec toi, parce que c'est des discussions qu'on avait eues, et j'avais cette réflexion qu'on ne pouvait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, tout sur tout. C'est... Et puis moi, je vais vous dire un truc, c'est que... Alors, vas-y, Caras. J'ai l'impression que le christianisme et l'islam, c'est juste aussi, en même temps, c'est des religions qui donnent de la consistance au judaïsme. C'est des religions qui font vivre le judaïsme parce qu'elles en parlent. Mais admettons, toi, tu débarques en tant que juif dans n'importe quel peuple et on te dit, mais qui es-tu? Tu dis, ben, je suis juif, j'ai une religion. Et tu expliques ta religion, mais les gars te prennent pour un fou. Parce que déjà, des gars qui te disent que Dieu m'a donné un pays, que Dieu m'a ordonné d'exterminer des peuples, que Dieu me dit que je suis le maître de l'univers parce que j'ai été élu par lui-même. Ça ne fonctionne pas. Faux. Et en fait, tu te rends compte. C'est un peu caricatural, mais bon. Mais quand on dit Jésus était juif, tu dis. Non, il était judéen. Après, c'est des débats religieux, c'est sans fin, c'est que des conflits, des débats d'idées, ça va pas s'arrêter. Attendez, parce qu'il y avait Mikou qui voulait donner son point de vue aussi. Tu vas dans l'islam, le mec te dit, mais. Oui, il était bien avec les juifs ont des prophètes, il faut reconnaître tous les prophètes juifs, et après tu reconnais le dernier prophète Mohamed, donc encore tu donnes du crédit au judaïsme. Mais c'est pour ça qu'ils sont qui te dit que c'est pas vraiment les juifs qui ont inventé tout ça, personne ne sait. Alors attends, Mikou, tu voulais parler, vas-y Mikou, t'as pas beaucoup parlé, vas-y Mikou. Si quand même, parce qu'il faut que je développe un peu, mais pour faire un peu le résumé de tout ce que j'ai entendu, je suis assez d'accord avec Max qui dit qu'il faut pas jeter le bébé et la baignoire et la flotte en même temps. Le christianisme nous a permis de construire notre civilisation, on s'est basé sur ces valeurs-là pour ensemble développer du savoir et l'utiliser pour faciliter nos travaux. On a construit des cathédrales avec ce savoir, on a construit des choses magnifiques, on a construit le pays d'ailleurs. Le christianisme n'était pas assez équilibré, donc il s'est lui-même tiré une balle dans le pied, et là il est en train de crever, on est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait? C'est la crise, c'est la panique, on est envahi, l'économie ça va pas du tout, et on essaie de se rattacher à ce qu'on peut. Alors il y en a qui se rattachent au roi, d'autres qui se rattachent à la couleur de peau, il y en a qui se rattachent au religieux, donc à Dieu, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qui n'est pas pragmatique, donc qui rentre direct en confrontation avec notre monde pragmatique et qu'on veut expliquer qu'avec la science. Je trouve ça un peu... ça arrive toujours au même point, en fait. Voilà, on arrive à se diviser sur des points de Dieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste se tourner vers le passé, regarder ce qui a marché, prendre les valeurs qui ont permis l'évolution de notre civilisation et abandonner le bateau qui coule, tu vois, on ne va pas se rattacher à un bateau qui est en train de couler et juste traverser la berge, se poser de l'autre côté autour d'un feu, discuter ensemble de ce qu'on veut vraiment. Et se mettre d'accord, quoi, sans parler de toutes ces questions de religion ou de division, quoi, juste faire consensus tous ensemble. Alors, juste avant que je te donne la parole, Harmonique, je dis ça, ça me permet justement de faire rebondir un peu le débat. C'est parce que il y a une fracture qui est en train de se faire clairement dans la dissidence entre ceux qui disent, en gros, faut dégager le catholicisme parce qu'il est emmerdant, il emmerde, et particulièrement justement chez les nationalistes blancs, puisque ils disent que le catholicisme porte en lui l'universalisme, catholique veut dans le dire universel, c'est presque un pléonasme, et donc serait entravant dans le combat, puisque justement, presque contradictoirement, ils porteraient un universalisme alors qu'ils le combattent. Donc ils proposent de se séparer et de dégager le catholicisme. Vous êtes sur cette ligne ou pas? Moi, personnellement, juste, j'ajoute mon grain de sel. Moi, j'ai expliqué ma ligne tout à l'heure sur la nation. Et à cette ligne, justement, j'y ajouterais, au contraire, moi, la représentation catholique, mais pas en tant que idéal sur lequel on doit suivre, en tant que allié naturel, en tant que philosophie avec laquelle on doit faire, on doit compter, parce que faisant partie de la racine, et qui est indissociable de la racine culturellement. Après, chacun, il n'y a pas d'obligation d'y adhérer, et encore moins de coercition, justement, les cris islamistes, etc., surtout pas. Mais, qui est sa place, pour moi, là, ça me semble naturel. Alors, vas-y, c'est Harmonique. Harmonique après Tony. Vas-y, Harmonique. Alors, du coup, je vous invite à aller rechercher l'étymologie du mot Dieu, qui n'existe pas dans l'Ancien Testament, et à ma connaissance, pas dans le Nouveau Testament. Enfin, bon, moi, le mot Dieu n'existe pas. C'est une racine indo-européenne qui, tout simplement, symbolise la levée du soleil, c'est-à-dire notre étoile qui se lève tous les matins et qui, justement, permet la vie. Ça n'a rien à voir avec la religion sémitique, ok ? Et surtout... Posez-vous la question, vous parlez de christianisme. Ok, il faut une identité qui rassemble les gens. J'ai dit tout à l'heure, mais vous n'avez pas écouté, oui, le christianisme et tout, c'est comme quand j'écoute Virginie Vota sur l'aile de Raptor. Oui, je comprends ce qu'elle veut dire. On est dans un monde de pragmatisme. Putain, vous allez le comprendre, ça. C'est-à-dire, oui, la spiritualité, c'est une chose, mais on ne peut plus nous dire « je ne comprends pas ». C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de sens là-derrière. Le côté, d'ailleurs, tu ne le comprends pas parfaitement, ce que je veux dire quand tu as eu Daniel à ta dernière émission. Pour comprendre ce que je dis, c'est « Tepa, quand tu as eu Daniel à ta dernière émission », tu fais plus ta prière devant le pain de ce jour, tu vois. C'est pas parce que t'es un décadent. C'est parce que ça n'a plus de sens, les gars. Bien sûr qu'on comprend ce que c'est la spiritualité. On n'est plus dans le même monde. Et le vrai catholicisme, comme parle Virginie Vota ou même Adrien Abosi, bah, je suis désolé. Pourtant, je les apprécie les deux. Ça n'existera plus. Terminé, parce que le monde ne fonctionne plus comme ça. C'est pas pour ça qu'il n'y a plus de valeur, c'est pas pour ça qu'il n'y a plus de spiritualité, c'est pas pour ça qu'il n'y a plus de « je pense demain » ou de ferveur, mais ça ne marchera plus. Moi, je dirais que c'est assez intéressant ce que tu dis, moi en fait, je ne vais pas me faire des amis, je pense, en disant ça, et pour amener un peu au débat précédent... un peu après sur tout ce qui a été dit avec Jean-Marie Le Pen. Moi, honnêtement, je pense que les questions religieuses, ouais, c'est important. Moi-même, voilà, je suis, étant français, mi-français, mi-polonais, je suis issu d'un catholicisme très puissant, on va dire. Mais bien que je me sente concerné, je pense que dans la lutte nationale actuelle, je pense que pour l'instant, je me tâte à me dire que soit... la position à plusieurs serait que soit dans l'immédiat ça va nous faire perdre du temps, soit et je tendrais peut-être plus vers ça, soit c'est important mais c'est pas, je dirais, la priorité. C'est vrai que ça fait partie d'une identité, mais comme l'a très bien rappelé quelqu'un, le truc c'est qu'il y a la moitié de la population française qui est athée, et on est obligé de la... enfin, on peut y faire quelque chose, mais dans l'État, il faut l'accepter. Et on va pas les forcer, hein, on va pas les convertir au couteau. Faut faire avec. Moi, je pense que vraiment, pour finir, que ouais, c'est important, mais il y a un risque qu'on perde du temps sur peut-être des choses plus précises. Et t'es pas, t'en penses quoi ? Ah bah moi, j'ai expliqué ma position. Alors déjà, Tony, je note que tu as parlé que tu étais polonais. Hein. Je dois devoir avertir la commande en tour. Bon, accessoirement, je préfère te dire. Et non, mais pour être ça. Sinon, non, pour être sérieux. Moi, j'ai dit, pour moi, il y a une alliance naturelle à faire. C'est-à-dire que les catholiques, ils ne dérangent pas du tout quand ils sont dans un esprit d'amour, d'ouverture vers les autres. Parce que je sens que c'est un partage profond, que c'est fraternel, et que c'est vraiment puissant, comme attitude, et il y a une espèce d'extrême positivité, quelque chose de vraiment très très bon. Ce que je déteste, c'est ce néo-catholicisme, qui voilà, tu dois faire et qui est justement pour moi qui est miroir de l'islam quoi. Tu fais ce que je te dis, c'est comme ça, etc. Si c'est pour faire ça, non, non. Par contre, si c'est des amis, des alliés qui en plus souvent justement sont des gens qui ont des valeurs. Voilà, on parle de valeurs tout le temps, les valeurs de la République. Bah là, il y a les valeurs chrétiennes et ça c'est quelque chose de fort, ça aussi justement chez les catholiques. C'est encore aussi des gens, justement, qui ont des valeurs. C'est-à-dire que, pour eux, les principes moraux, ils les mettent au-dessus et ils s'appliquent à s'y tenir dans leurs actes. Et ça, c'est très fort, parce que c'est ça qui fait l'honneur, le panache, la dignité. Il y a tout un sens aussi, après, de l'existence, quand on met des principes au-dessus. Et pour le coup, moi, je respecte beaucoup ces gens-là. Maintenant, je suis conscient. Et ça, c'est évident, c'est que je ne pense pas qu'on retournera, moi non plus, à un catholicisme classique, traditionnel, où tous les Français vont se convertir. En revanche, c'est pour ça que je disais il faut qu'ils soient là dans le combat nationaliste, parce que si on a affaire justement à ces gens qui vont venir et donner plein d'amour, qui vont représenter et ne pas voilà forcer les gens à vouloir se convertir, eh ben ils engrangeront eux-mêmes encore plus de troupes justement au sein de ces milieux-là, de plus en plus, de plus en plus. Et ceci dit, il ne faut pas négliger la part de fraternité et de lien puissant qui unit les gens au sein d'une croyance, d'une doctrine. C'est quelque chose de très puissant. Surtout, on les a vus avec Civitas et contre le mariage pour tous, si tu te rappelles bien. Donc... Mais est-ce que justement, ce ne serait pas dans notre intérêt à nous d'ouvrir la fenêtre des catholiques tolérants, je dirais, pour montrer une nouvelle image? Comme on parlait aussi du fait que les symboles sont assez... Enfin, on est un pays de symboles et on marche beaucoup par symboles. Et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de... Mais pas de réformer la religion, enfin de faire une bonne fois pour toutes ces sessions avec le Vatican comme attends, on l'a fait par le passé. Jessica, là, le problème, c'est que les catholiques tolérants, c'est ceux qui accueillent à bras ouverts tous les migrants du monde. C'est pas nécessairement. C'est le pape qui lave les pieds des migrants et qui dit dernièrement que Bachar al-Assad a fait une horreur. Dégueulasse, en gazant son propre peuple qui marche à fond, et donc il y a plein de cathos hyper tolérants qui gobent toutes ces conneries et qui verraient peut-être même d'un bon oeil qu'on aille faire part en guerre contre Bachar el-Assad. Et par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que le christianisme, c'est quand même la seule religion abrahamique qui te donne un devoir moral qui te donne autant de devoir moral envers les tiens, c'est-à-dire les chrétiens, qu'envers les autres. Tu as le devoir de ne pas mentir, d'être juste avec les chrétiens et avec les autres. Et c'est ce qui est dérangeant dans le nationalisme, parce que le nationalisme, c'est d'abord les siens et après les autres. D'abord sa famille, d'abord son village, d'abord son pays. Tu vois, le christianisme aussi, ça n'a jamais été autre chose. Jésus, à la base, c'est nous qui l'avons érigé comme fils de Dieu, mais à la base, il était juste là pour sauver son peuple. Hein. Il n'était pas là pour sauver la terre, il était là pour sauver son peuple. C'est un problème d'interprétation, c'est un problème d'interprétation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens chrétiens qui disent que bah, tout le monde sont les bienvenus ici parce que les hommes se valent et qu'ils ont tous leur place en France. Et ça pose un problème, finalement. C'est ce problème que nous, on soulève tout le temps ici. Et c'est pour ça que je te parle de réformer l'Église et de faire sécession avec l'Église actuelle. Bah voilà, c'est très intéressant parce que c'est ce que je voulais dire, c'est que ouais, effectivement, un des gros paramètres, bah, c'est l'Église. Et bon, bah là, du coup, ouais, mais là, tout a été dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'Église va complètement à contre-sens de nos idées au possible. Et effectivement, si on devait ramener un peu de catholicisme dans ce pays. Je pense qu'il faudrait, et à mon avis, ça va pas être chose facile, faire accepter aux fidèles que malheureusement, la parole du pape va falloir accepter qu'elle est même nuisible dans l'État. Non mais les gars, là vous parlez, attendez juste à mon mic, là vous parlez vraiment d'un concept qui n'a jamais existé. Le message de Jésus, ouais, moi franchement je suis d'accord avec vous, tu vois, là, comme tu lis la Bible, le Nouveau Testament, je suis d'accord avec vous. Mais après, quand tu regardes l'histoire, je veux dire, ça n'est jamais arrivé. À partir du moment où l'Église a été fondée en Orient et après s'est déplacée à Rome, le pape et toute la, parce qu'après c'était quand même, il avait le statut de roi, c'est toujours à coquiner avec des pouvoirs royaux différents, que ça soit l'Espagne d'un côté, après le Saint-Empire germanique et puis après il y a eu les rois de France, pour avoir des appuis, des armées et combattre d'autres chrétiens. Il faut bien voir le principe. Je veux dire, le pape n'a jamais été quelqu'un qui a attendu, qui était là à prêcher la bonne parole. Ça, ça n'a jamais existé dans l'histoire. On fantasme, c'est comme quand on fantasme sur la royauté, quand on fantasme sur le monde médiéval, quand on fantasme sur la République. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut regarder les faits, les gars. Le pape, ça n'a jamais été un type barbu avec un collier à fleurs qui apprenait la bonne parole. Ça a toujours été dans la géopolitique, dans l'achat de certains privilèges, dans la peur de l'excommunication et dans le contrôle des armées. C'est comme ça que ça s'est toujours passé, c'est comme ça que l'Église catholique a survécu à travers les siècles. Sauf que la France, quand elle n'était pas d'accord, elle était prête à élire son propre pape, en fait. Oui, voilà, et justement, c'est une preuve, comme je te dis, c'est qu'après, quand la France... Tu vois, tu prends la fin du catholicisme en France, quand Napoléon fait tout son cirque pour que le pape vienne le sacrer à Notre-Dame. Mais il a humilié le pape, et le pape se met à genoux, il a tout accepté, parce que les rois de France ont souvent fait ce coup-là au pape dans l'histoire de... Ouais, au moins 1000 ans, à chaque fois, il y a eu des hauts et des bas, des tensions, des haines et des rancœurs. Et quand le roi pouvait le faire, ou après Napoléon à la fin, ben souvent il l'a fait, quoi, tu vois. Ça s'est toujours passé, toujours ces haines et cet amour, je t'aime moi non plus. C'est ça qui était terrible, parce que d'un coup, tu vois, il fallait avoir l'aval du pape à certains moments. Tu vois, tu prends Charles Quint en Espagne, quand il était le maître d'Europe. Là, le pape était des partisans de Charles Quint, la France était jalouse. Après, quand ils ont choisi les Allemands, mais c'était pas encore les Allemands, mais le Saint-Empire germanique, pareil, il y a eu des dissensions. C'est pour ça, c'est là où on peut pas dire, le message de Jésus, il y est. Mais quand est-ce qu'il a été respecté? Jamais, au final. Après, on peut fantasmer dessus, mais à partir du moment où Constantin choisit la religion catholique et après Théodose, veut dire, c'est déjà un choix politique. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un choix politique, c'est pas un choix religieux. Ces gars-là, Constantin, il était autant religieux que moi, je suis islamiste. Tu vois ce que je veux te dire? C'est d'abord, tu vois, il y a tout un projet politique derrière. Mais justement, mais notre combat-là est politique, donc ça tombe très bien. Et le catholicisme, il a toujours servi aussi à faire accepter au peuple le système de domination hiérarchique imposé avec la noblesse en Europe. C'est, voilà, c'est, ça a fait... Ça fait des esclaves chrétiens et puis acceptant leurs conditions d'esclaves, comme ça fait des gens qui partaient mourir au front contre d'autres chrétiens, et dans les deux armées qui s'entretuaient, t'avais des aumôniers. Et voilà. Donc c'est pour ça, bon le christianisme, pas de problème. Moi j'aime bien le message du Christ, mais après l'Église catholique, elle m'embête un peu quand même. C'est pour ça que je parle de faire sécession avec cette Église. On n'a même pas besoin de faire. Et de réformer la religion en France pour s'en servir de symbole dans notre combat politique. J'ai pas besoin de faire sécession avec quelque chose auquel j'appartiens pas. Je suis même pas baptisé. Moi, je m'en fous de l'Église catholique. J'aime bien les cathos. J'ai des potes cathos. Bon, mais bah, ils m'emmerdent moins que si je les avais eus à 100 ans. Ils m'emmerderaient un peu plus il y a 100 ans. Parce que probablement, il me stigmatisait pour mon manque de piété, quoi, en fait. Non, mais sans doute. Mais c'est quoi la finalité du message, Caras? La fidélité du message, c'est que l'homme doit retrouver... Je sais pas, il n'y a pas de finalité du message. De quel message tu parles? Quelle finalité pour quel message? Parce que je sais pas, là, tu viens me parler du fait que tu te revendiques pas de l'Église, que tu te sens pas ci, que tu te sens pas ça, que t'as des potes, tu tournes autour du pot alors qu'on a répondu, enfin, on essaie de répondre clairement à des questions simples. À savoir, là, il y avait, excuse-moi, alors faut que je retrouve ton nom, Max, c'est ça, qui me disait que la royauté s'est toujours servie politiquement de l'Église pour arriver à ses fins et que c'est précisément ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc pourquoi se priver de cette carte en plus? Parce que l'Église aujourd'hui, elle va pas dans notre sens. Précisément, Caras, pourquoi je te dis de faire sécession avec l'Église comme la France l'a toujours fait quand l'Église lui cassait les couilles? On n'a même pas besoin de faire sécession avec l'Église, puisque l'Église n'a plus aucune incidence finalement sur la France. Elle existe comme ça pour ceux qui la regardent. Et non, quand tu regardes ce que Macron tu vois, est sur le point de faire et compagnie, je suis pas d'accord. Alors, je ne suis pas au courant. Explique. Bah, il veut retisser des liens un petit peu avec l'Église et compagnie, et là, il est en train un peu de bafouer la loi de 1905, quoi. Ah oui, bon alors là, il y a un projet derrière, ça doit être pire que tout. Parce que si je me souviens bien de son tweet, dans son tweet, il disait il y a une fracture avec l'église catholique, qu'il faut, enfin quelque chose comme ça, qu'il faut refermer. Si je me souviens bien. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que Macron, c'est quand même le roi des opportunistes, alors il saute sur chaque occasion. Il va rien faire du tout, c'est juste de la stratégie politique. Bah, voilà, enfin, Macron est un excellent communicant, quoi. C'est ça. Il l'a fait pendant toute sa campagne, il est capable de vous dire dans la même phrase un truc et son contraire. Donc, moi, je crois surtout. Là, il vous a fait un tweet sur les catholiques, le lendemain, il va de nouveau vous reparler de l'OLA de 1905 et vous dire que la France est laïque, tu vois. Enfin, c'est ça. Je crois qu'il reste un peu de joncaille au Vatican. Peut-être que Macron, il veut le récupérer pour, tu vois, pour refermer la plaie. Alors voilà, j'ai retrouvé. Alors, il a dit vouloir réparer le lien entre l'Église et l'État qui s'est abîmé. Voilà. Il faut se méfier de lui, quand même. Hein. Ouais, il va quand même modifier le gars. Hein. Profond, ça, comme mot, abîmé. Abîmé, c'est l'abîme. J'aime bien dire ça du haut de sa pyramide, il est marrant. Non, pas de ma pyramide, sur mon vélo, mais le problème, c'est que c'est vrai qu'un homme comme Macron, faut pas avoir confiance en lui. Hein, c'est... Bah, je crois qu'on est tous d'accord ici quand même. Hein. Ah, je crois comprends pas pourquoi tu dis ça. Je pense qu'il va utiliser la religion à ses fins. Et ses fins, c'est quoi ? Bah oui, c'est quoi lui ? C'est... Ah oui, je comprenais pas, je croyais que tu étais sérieux. ses intérêts à Macron, c'est quoi ? C'est Washington, c'est Bruxelles et c'est Berlin, quoi. Donc, ça ne peut plus être Washington parce que Washington, c'est Trump. Et donc, non, c'est pas Washington. Ah non, je suis pas d'accord. Je pense pas que Washington soit Trump, justement. Ah, ça tombe bien, comme ça, on parle de Trump aussi. Alors, parce que on me demandait, et puis j'en avais déjà parlé hier, mais finalement. Il a rétro-pédalé, Trump. Ça veut bien dire que, quelque part, il veut pas la faire, cette guerre en Syrie. Il a pas envie de la faire. Et parce qu'il sait très bien, il va pas aller frapper les Russes. Donc, soit il fait des concessions, en fait, à un espèce d'état profond sur lequel il lâche du lest à chaque fois sur des dossiers comme ça, comme on avait vu dans la Corée du Nord, quand il avait bombardé la Syrie avec des missiles pas chargés, ou là, quand il fait monter la pression sur Twitter, on croirait que c'est un clash entre Zboubix et Zboubax, comme on est, enfin, tu vois, parce que le mec, il met des tweets où il te dit, oui, les Russes, vous allez prendre des missiles, voilà, je sais pas quoi, vous ferez bien de pas vous unir avec les bad guys. Enfin, c'est presque ridicule dans la forme, mais comme c'est le président, quand même, qui est inquiétant, ou alors, et là, le lendemain, tout retombe. Donc, il joue, quoi. Il est dans un jeu, Trump. C'est évident. Le tweet, il l'a écrit quand Poutine était dans sa chambre avec lui, la légende dit. D'accord. Parce que Poutine a répondu par un tweet genre super intelligent en plus. Bah oui. Enfin, c'est tout du jeu de manipulation. Il doit donner des gages à l'état profond, c'est normal. Exactement. Et tu vois, par exemple, il annonce un jour qu'il quitte, il désengage son armée de la Syrie. Et le lendemain, tu as le fast flag à la Ghouta avec le soi-disant gaz et compagnie, quoi. Et on voit bien derrière ça que, bah, il y a une communauté dont qu'on ne citera pas, qui est à fond pour la guerre en Syrie. Plus, l'Angleterre et la France sont valets, quoi. Et enfin, la France, la République française, parce que la France, c'est nous, la République, c'est eux, hein, maintenant, je fais la différence, et qui rentre dans le jeu. Et quand le petit Macron dit, oui, on va faire des représailles contre la Syrie, alors qu'il n'est même pas capable de gérer trois gauchistes et un chien qui ont pris une fac, tu vois, tu as bien envie de rigoler, quoi. C'est n'importe quoi. Ça me rappelle quelqu'un, hein. Pour ceux qui ont de la mémoire, la dernière attaque chimique, un président français qui s'enflamme, moi, voilà, j'ai un peu vu venir pour le coup. C'est exactement ça. Ouais, pour Trump, là, lundi, enfin, la semaine prochaine, je ne sais pas quel jour exactement, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il avait licencié le directeur du FBI et le gars a sorti un bouquin, enfin, il va sortir. Et il y a des révélations plus ou moins croustillantes, c'est-à-dire qu'à première vue, Trump, je ne sais pas si vous avez suivi, je ne sais pas si c'est passé dans les médias français. Il a dit que, je cite, c'est un mafieux, et bref. Ouais, voilà, et donc, à première vue, en filigrane, il laisserait penser qu'effectivement, Trump serait tenu par les services secrets russes. Parce qu'au début des années 2000, donc, il y a eu cette histoire avec les mannequins ou des prostituées russes et l'histoire de la Golden Shower, mais ça aurait été filmé. Et de notre côté, tout ce qui est les personnes qu'il a nommées, qui ont été arrivées au pouvoir, au poste de la justice et qui sont autour de lui, ont tourné leur veste et travaillent contre lui actuellement. Et pourtant, ce sont des républicains. Donc, il y a la procédure d'impeachment qui est en train de se mettre en place. Et je pense qu'à ce niveau-là, au niveau intérieur, il y a un remous. Et je ne sais pas. Alors, tu vois, après, il y a deux possibilités. Soit il va déclarer une guerre, parce que souvent, quand les personnalités politiques de premier plan comme ça sont en difficulté sur leur sol, au niveau politique, déclarent une guerre pour calmer le jeu. Soit, je ne sais pas quelle va être sa stratégie, parce que là, s'il y a une procédure d'impeachment qui est lancée, même dans, parce que là, il faut voir ce qui se passe actuellement aux USA. Tu as 40% de la population qui soutient toujours Trump, mais tu as au moins 30% des républicains qui sont du côté des démocrates, mais non contre lui. Donc, au niveau politique, il est mort. Par contre, il reste 40% de la population qui est encore trumpiste. Mais est-ce que ça sera suffisant pour faire pression contre l'établissement, pour lutter contre un impeachment? S'il est destitué, c'est possible. S'il n'y a pas de guerre ou s'il n'y a pas de remous, il peut être destitué, ne pas finir son mandat, quoi. Parce qu'à première vue, toutes les enquêtes sont menées et certaines personnes sont fortement inquiétées, quoi. Donc, bah, en train de dire qu'il serait élu et qu'ils n'ont pas vérifié son passé avant de le mettre en place, c'est ça? Attends, ouais, déjà, le mec, il ne serait pas parti avec, comment ça s'appelle, tenu par les couilles, par les Russes ou par les Israéliens et tout, il n'aurait pas tout fait pour gagner les élections. S'il avait été vraiment tenu, comme tu le dis, moi je crois que c'est une grosse escroquerie. Moi je pense qu'on invente n'importe quoi sur Trump, ouais. Parce que effectivement, tu as l'État profond qui veut le faire tomber, et sur les 40% qui le soutiennent, n'est pas 40%. Moi je pense que le peuple américain soutiendra de plus en plus Trump à partir du moment où il relancera l'économie, il fera du protectionnisme. Mais c'est le cas, hein. De plus en plus, les Américains sont contre les guerres inutiles pour les États-Unis. Donc, il y a vraiment... Ah non, mais moi, je ne prends pas parti. Hein. Tu vois, je te dis juste l'état du pays, comment ça se passe. Parce qu'après, après, c'est tendu. Tu vois, moi, je ne te dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Après, on ne peut pas le prouver. De toute façon, on n'a pas les preuves à savoir s'il y a une ingérence russe et tout ça. Moi, je trouve que c'est gros, effectivement. Mais je veux dire, c'est quand même compliqué. Parce que nous, on voit ça d'un point de vue extérieur. On se dit, bon, tu vois, il tweet. Parce que c'est vrai qu'aussi, ça m'a du tweet. Il tweet tout et n'importe quoi. Tu vois, son histoire avec la Corée du Nord. Moi, je n'avais jamais vu ça. Tu vois, au niveau politique, c'est le niveau quand même zéro de la politique. Tu vois, quand il se traitait de gros, de Rocketman et compagnie, mais là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre monde, quoi, pour qu'on en arrive là? Il faut quand même le reconnaître, tu vois. Moi, j'ai aimé l'élection de Trump pour ce qu'elle représente symboliquement, mais après, au niveau de la gestion, ça fait quand même peur, tu vois, tu peux quand même le reconnaître. C'est de la com aussi. Trump, mais oui, mais c'est Macron c'est niveau zéro, sens, tu vois. En fait. Il a été élu là-dessus aux États-Unis, c'est pas comme ici. On est beaucoup plus sur le spectacle, etc. Il ne faut pas oublier que lui, c'est un showman. Il a participé à des trucs de télé-réalité, des conneries comme ça. Les États-Unis, c'est un tout autre paradigme. Mais lui, dans sa communication, déjà dans sa campagne, c'était comme ça. Beaucoup de gens ici, moi, de gens que je connais, ils me disent « Ouais, Trump, c'est un guignol. Je ne comprends pas comment il a été élu, etc. » Il continue sur cette lancée, tu vois. Mais qu'il le fasse dans la politique intérieure, moi, ça, je suis d'accord. Mais va traiter un dirigeant de tocard ou de gros ou de petit gros mal coiffé et compagnie, mais exactement, ça s'est jamais vu dans l'histoire de la géopolitique, tu vois ce que je veux te dire? C'est drôle. Comment ça, c'est... Attends, il y a déjà eu des représentants de pays qui se sont insultés ou qui disaient explicitement lui, je l'aime pas, quoi. Ouais, pour lui, il rajoute le côté un peu, un peu insultant, gamin potache, voilà. Mais ça a toujours existé. Adapter les codes. Au moins un mérite, c'est que, alors c'est peut-être moi qui suis naze, mais moi je le trouve pratiquement imprévisible. Je n'ai jamais réussi à prédire ses actions. Perso, je vous souhaite une bonne nuit. Rappelle Kepa qui a fait justement la meilleure interview de sa vie pour moi par rapport à Jean-Marie Le Pen. Salut Harmonique. Salut à toi. Salut. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui sait où il va, mais comme il y va en zigzag, on a l'impression de ne pas savoir où il va. Simplement, il a un but et il est obligé de faire des zigzags pour y aller, pour tromper l'ennemi, quoi, simplement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais moi, vraiment, j'arrive pas du tout à lire son jeu. Alors finalement, Obama était, je trouvais, assez prévisible dans l'ensemble. Bah, il a une politique étrangère qui est complètement illisible. Et pourtant, je sens qu'il a des convictions, qu'il cherche à aller quelque part. Donc, un peu, d'ailleurs, je te dis, comme l'histoire de Jérusalem qui a été reconnue capitale d'Israël, Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné, justement, qu'il leur fait, en leur faisant encore là une concession à Israël, alors qu'en fait, peut-être, il est en train de la mettre de l'autre côté avec Poutine. Enfin, vous voyez, et pourtant, ils ne peuvent pas le mal parler de lui. Enfin, ils sont obligés d'aller dans son sens, puisqu'il va dans leur sens. Enfin, vous voyez, une espèce de politique qui sera plus subtile qu'on pourrait le penser. Clairement. De toute façon, il n'a pas le choix, en fait. On fait les étonner, mais il n'a pas le choix d'être comme ça. Vous savez ce qu'on dit ? Il peut être de but en blanc en disant je suis contre Israël, je veux revenir, je veux nationaliser le pays entier, je suis contre la mondialisation. Il peut pas être président s'il tient tous ses propos. Mais c'est impossible. Comment on m'a dit si c'était vraiment le tocard qu'on décrit. Je sais plus qui disait ça, qui entendait. Moi, pareil, autour de moi, j'arrête pas d'entendre. Oui, c'est vraiment un con. Hein. Je dis, vous êtes malade. Enfin, déjà, le mec est président des States. Et en plus, qui te parle, 99% des médias occidentaux sont anti-Trump. Ils ne sortent que du négatif. Quand j'ouvre mon ordinateur, j'ai Yahoo, tu vois, les infos Yahoo. Dès qu'il y a une info sur Trump, c'est une info négative, anti-Trump, à chaque fois, tout le temps. Et j'ai entendu dernièrement un pote qui m'expliquait une théorie d'un de ses potes à lui, comment il s'appelle, Lévy, qui lui disait « Oui, mais Trump, il est tenu par les Russes parce qu'il aurait escroqué la mafia russe de 1 milliard et c'est pour ça qu'ils l'ont lancé dans la politique, pour faire la politique des Russes. » C'est conspi plus douce. C'est juste quelqu'un qui a remonté son entreprise parce qu'il a eu l'aval, la bénédiction des banques. Et quand il a fait faillite une fois, les banques lui ont reprêté de l'argent en lui faisant confiance. Il a eu de la chance là-dessus, quoi, simplement. Mais le mec, non, c'est un milliardaire qui a payé. C'est un milliardaire qui a squeezé tout l'établissement en payant lui-même sa campagne électorale, qui lui a coûté presque 1 milliard de dollars ou 800 millions de dollars. Tandis que Hillary Clinton, avec les fonds versés, elle a dépensé plus d'un milliard ou 2 milliards de dollars pour sa campagne électorale qu'elle a perdue. Et en cela, Trump, c'est la surprise. On a Trump d'un Poutine, Trump d'un côté, Poutine de l'autre. On aurait pu avoir Marine Le Pen au milieu, mais là, ça aurait été le paradis sur Terre. On arrêterait les guerres. Si Marine avait appliqué la politique étrangère qu'elle préconisait, on aurait eu un nouveau paradis sur Terre pour 1000 ans, comme dirait l'autre, tu vois. Ouais, et malheureusement, on a Macron et on a Theresa May. Et Theresa May, elle, qui est une Anglaise, qui fait le jeu de l'Angleterre. Et aujourd'hui, l'Angleterre se découvre. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce n'est pas les États-Unis qui sont à l'origine de certaines interventions ou certains engagements maléfiques dans les pays du Moyen-Orient. Et que derrière, en fait, c'était les Anglais, c'était le MI6 britannique avec les frères musulmans qu'ils hébergent en Angleterre, qui ont pignon sur rue, qui sont protégés jusqu'au réseau pédophile de Pakistanais, qui sont protégés par la police en Angleterre. C'est une horreur. Exactement. C'est l'oligarchie anglaise, anglo-saxonne, en fait, et évidemment les suprémacistes juifs qui sont derrière tout ça. Et on le voit de plus en plus. Ils sont, à cause de Trump, ils sont obligés de sortir du bois et se découvrir, tu vois, jusqu'à faire un false flag, comme si Bachar al-Assad pouvait envoyer du gaz toxique sur sa population à 10 km de la capitale. Il suffit que le vent tourne et c'est lui-même qui se le ramasse dans la gueule. Mais ça n'a aucun sens. Surtout pour l'originalité, on repassera. Hein. Encore du gaz. Oui, mais en plus, alors, tu vois ce que tu as dit, l'Empire, on a souvent oublié parce que c'est l'Empire anglo-américain. Et en fait, comme il le disait si bien Cecil Rhodes, nous allons inclure en fait les États-Unis dans notre empire, mais c'est anglo, ça commence par anglo, quoi. C'est l'Angleterre, c'est l'Empire britannique, c'est là que ça a commencé, quoi. Les USA, c'était une colonie, hein, faut pas oublier à la base. Je pense que, en fait, notamment dans le camp national, on a été un peu endormi par le Brexit, en fait. Je pense qu'on. C'est une théorie, ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, mais je pense que le Brexit nous a donné une image trop idéaliste de l'Angleterre, mais voilà. Notamment dans l'affaire Skripal, je trouvais que Zemmour avait eu la formule qui vraiment tuait tout. Quand on lui demandait son avis sur l'affaire, il lui a dit « Moi, quand on me demande de me méfier à choisir entre les Russes et les Anglais, je suis français, vous savez très bien ce que je dois en dire, je me méfie des Anglais. » Je trouve que voilà, ça résume tout. Et nous, je vais vous dire, on n'est pas les alliés des Anglais, nous sommes les vassaux des Anglais. Ah bah oui. Nous sommes la pute des Anglais. Bah, de toute façon, si la France sort de l'Union Européenne, et revient à sa souveraineté et donc à sa politique étrangère propre, les Anglais vont redevenir nos ennemis. sur la scène internationale. Le seul truc qui nous avait permis un peu de se détacher du carcan anglo-saxon, c'est le général de Gaulle avec sa bombe atomique. Mais là, depuis qu'on est re-rentré dans l'OTAN et tout, on voit bien que nos élites, qui sont ben, ce qu'ils sont, ils prennent leurs ordres à la City, à la Grande Loge d'Angleterre, et voilà, c'est comme ça. Oui, et puis ce sont toutes, elles sont beaucoup issues de la French American Foundation, de toutes les associations, le Bilderberg, la Trilatérale, la Pan-Europe, toutes ces associations, le Club Le Siècle, où on sait que ce sont des organisations qui ont une emprise sur cette élite qui va bien la contrôler, bien la former, et puis les gens ont en plus le sentiment certainement d'être élus, élites, ce sont des élus. Et ils vendent le pays pour un plat de lentilles, quoi. Pour la French American Foundation, c'est marrant que t'en parles. Il y a 3 jours, je regardais la liste de ceux qui sont passés par le programme Young Leader, du moins les célébrités. Mais c'est effarant. Vous les retrouvez tous, vraiment. C'est absolument tous. De Najat à Wauquiez, c'est tous, vraiment. Oui, tous. Ouais. De Nicolas Dupont-Aignan aussi. Rocaïa Diallo, absolument, ouais. Nicolas Dupont-Aignan, interminable. Najat Vallaud-Belkacem, François Hollande, Moscovici, c'est incroyable. Tout simplement, Jean-Marie Colombani, la liste est interminable. Mais ouais, c'était étonnant. Tu voyais à l'époque de la Tchétchénie, c'était déjà le MI6 qui était derrière les Tchétchènes wahhabistes, et c'était le MI6. Il y a une blague qui court d'ailleurs, ce serait les Anglais qui auraient inventé les Juifs pour piquer le pétrole des Arabes. Moi, j'aimerais revenir un peu sur l'Europe. Je trouve que c'est un sujet important à aborder quand on parle de patriotisme. L'Europe, telle qu'on nous l'a présentée, et maintenant surtout telle qu'il est, c'est-à-dire la chimère a absolument quitté parce que c'est la merde. J'y ai un peu réfléchi et je pense qu'il faudrait quand même faire attention parce que ça peut être une carte chance s'il y a une énorme crise économique de passer la crise un peu plus tranquillement. Quoi. Donc, quitter l'Europe, oui. Comment ça, faut bien en discuter par contre. Ah bah, s'il y a une épée de Damoclès économique au-dessus de la tête. Bah, alors, oui et non. Parce que tu as raison, on va sortir du jeu européen. Mais le jour où la France elle sort de ce jeu européen, il n'y a plus d'Union européenne. Là, on va être clair, ce ne sera pas comme l'Angleterre. Le séisme sera beaucoup trop grand. Là, c'est impossible. Donc l'Union européenne ne peut pas s'en remettre que de la France qui sort. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va recréer des nouveaux liens commerciaux. Et puis aussi, la France, c'est son intérêt de ne pas faire tout, notre commerce avec l'Allemagne comme à l'heure actuelle. Et ce serait bien aussi peut-être qu'on diversifie un peu, qu'on sorte de ce périmètre européen, comme si on était circonscrit à exporter qu'à 1000 km autour de nous. Ça n'a pas de sens. On pourrait avoir un peu des rêves de grandeur un peu plus grands, quoi, hein, tu vois. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, mais je parle uniquement sur le terrain économique, là, pour le coup. Moi aussi. Avoir une monnaie forte et qui permette d'encaisser le choc, pas tout seul, mais réparti sur plusieurs pays, hein, 27, 29, j'en sais rien. C'est pas négligeable non plus comme carte à garder en main, quoi. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, Mikou, mais c'est pour ça, tu vois, je pense que quand on est nation, tu vois, quand on est nation et qu'on parle de quitter l'Union européenne, il faut bien préciser que ça va tanguer. Ça va tanguer parce que les gens qui vont être au pouvoir vont devoir supporter des pressions immenses et ça va tanguer économiquement parce qu'on va passer par une phase, tu vois, il va falloir quand même revoir notre monnaie. Et je veux dire, au niveau production, au niveau industriel, on est quand même, on aura des pâquerettes. Quand tu vois notre balance commerciale actuellement, elle a jamais été aussi basse. On perd énormément d'argent. C'est quand même phénoménal. Le temps qu'on puisse rétablir toute l'économie et retrouver des connexions, on va passer par des phases de turbulence qui vont être assez terribles. Parce que le jour où on va quitter l'Union européenne, il y a des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, qui vont dégringoler leur monnaie beaucoup plus fortement que nous. Nous, le temps qu'on refasse tout notre système qu'on a perdu depuis 30 ans, je veux dire, il va y avoir des Français mécontents. Tu vois, c'est pour ça que quand il faut parler justement de quitter, de reprendre notre souveraineté. On ne peut pas dire que ça va être dès le lendemain qui chante et que ça va être facile et qu'on va tous chanter Kumbaya parce que là, il va falloir quand même des hommes politiques très très compétents et, et une population aussi préparée mentalement, tu vois, parce qu'il va falloir être courageux parce que ça ne va pas se faire comme ça, quoi. C'est exactement ça, et c'est pour ça que j'ai avancé l'argument économique. Résister à 27 au lieu de tout seul contre un système qui est ultra répressif contre le libertarisme, c'est un avantage. T'as l'impression qu'on résiste à 27 ou plutôt qu'on se soumet à 27? Bah, on se soumet, hein, là, c'est ouais, clair qu'on se soumet à 27 et ça ne peut pas fonctionner. Mais pour autant, tout n'est pas à jeter. Voilà. Mais quoi, qu'est-ce que tu voudrais garder dans l'Union européenne en fait? Ben, pas grand chose. Pas grand chose en vrai, vraiment pas grand chose quoi. J'aimerais juste garder le temps de faire passer le rush, tu vois, le temps, parce que on a l'épée de l'islam, mais on a aussi l'épée de Damoclès de l'économie, hein, qui est balbutiante en ce moment. Ouais, mais c'est juste précisément l'Union européenne qui nous met dans cette situation économique incroyable, parce que les pays hors de l'UE dans l'Europe, c'est ceux qui portent le mieux, et après c'est ceux qui sont pas dans l'euro. Ouais, bien sûr. Mais elle commence demain à sortir comme ça. Et qu'elle veut acquérir sa liberté, on va faire tout ce qu'on peut pour l'empêcher. Et tout ce qu'on peut par l'empêcher, ça va passer par des guerres économiques, hein, qu'on connaît, qu'on a pu voir. Moi, je suis certain que la France, qui redevient la France et qui reprend les manettes, parce que là, on ne dirige plus rien économiquement. On n'a ni les manettes financières, ni les manettes économiques. On n'a rien entre les mains. Là, c'est un peu comme un mec, tu lui dis, je reprends le volant, quoi, parce que là, on est en train d'aller dans le mur. Non, moi, je vois, c'est comme ça que je vois. Alors oui, il y a une période peut-être de transition. On a besoin, certainement, c'est vrai, de gens très qualifiés pour faire cette transition. Mais l'économie, n'oublions pas que c'est que de l'humain, c'est une science humaine. Et on n'a jamais vu un endroit où des gens avec plus de liberté, l'économie s'effondrait. C'est rarement... ça n'existe pas dans ce sens-là. Donc la liberté, la souveraineté, pour moi, par défaut... La situation elle-même va doper l'économie parce que plus que jamais, il y aura, si on est déjà à ce stade de sortir de l'Union européenne et que justement la population s'est préparée mentalement à ça, dans un mode Conan le barbare quand même, qui devrait être faire de l'économie française un tigre. Ouais. Oui, moi, la question que je te poserais, t'es pas. Ça, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Tu crois que. Est-ce que c'est possible pour les pays européens actuellement de... Tu vois, on dit oui, il faut reprendre les manettes, sortir de l'Union européenne, etc. Alors, le truc, c'est qu'on sait tous que si on décide de sortir de l'Union européenne, de la zone euro, etc., on va voir nos monnaies être dévaluées. Or, nos pays sont désindustrialisés, il y a eu beaucoup de délocalisation, etc., et on importe beaucoup plus qu'on exporte. Ce qui fait que ce qu'on va acheter... sera en majorité plus cher. Donc les gens vont être mécontents. On va passer par une période de transition qui va se faire un peu dans la douleur. Est-ce que c'est possible de faire ça dans un système démocratique tel qu'on le connaît maintenant, avec des gens au pouvoir pendant 4 ou 5 ans, tu vois? Parce que sur ces 4 ou 5 ans, les gens, les seuls effets qu'ils vont voir sont les effets à court terme, où ils vont devoir payer plus et ça va être un peu la merde. Donc le souci, c'est que les premiers ennemis qu'on aurait, même en reprenant les manettes, ce sera le peuple lui-même qui va être en colère contre ceux qui auront repris les manettes et leur auront imposé ça. Donc est-ce que c'est possible de faire ça avec un système démocratique tel qu'on le connaît maintenant? Ah non, parce que moi la démocratie, c'est pas seulement les droits démocratiques, c'est aussi le droit de la liberté d'expression. Et ça, c'est évident pour moi que dans ce régime nationaliste qui reprendrait le pouvoir et la souveraineté, il serait obligé d'accorder la liberté d'expression, le droit de parole, qui, lui, va nous amener à la démocratie. Mais s'il ne respecte pas ça, c'est-à-dire le système actuel, impossible. Non, c'est vrai que ça foutrait une grosse merde, hein, pendant un premier temps, comme ça. Non, non, non. Il faut mieux réindustrialiser d'abord, et après... L'État, il aura quand même les moyens. Regarde, quand je parle de la liberté d'expression, pourquoi c'est fondamental? Parce qu'il faudra bien expliquer ce qui se passe, mais expliquer de façon transparente. Mais dans cette période de transition, l'État qui va reprendre les manettes en main, en particulier les manettes financières, les manettes de la Banque de France, si tu as ces manettes en main, tu peux quand même mener des investissements et soutenir une politique qui fait que ce fameux choc de la sortie sera amorti. Par la nouvelle monnaie, alors ouais, il y aura un peu d'inflation, ça c'est peut-être, bah oui. Mais je pense que l'économie sera dopée, dans son ensemble, elle sera dopée. Et en plus, après, tu réaxes ton économie sur la France, parce que c'est ça le truc, il faut refaire de l'économie sur la France. Ça d'accord, mais la période de transition, elle est courte, t'as quand même déjà que 5 ans. Il n'y a que 5 ans pour le faire. Et puis en plus, tout ce que tu importes, comme l'a très bien dit San, il faut continuer de l'importer. Et pour produire et continuer de vendre, il faut continuer d'importer. Donc, tu es soumis aux lois du marché international et tu commandes pas toutes les manettes, en fait. Tu commandes juste les manettes. Tu transformes ton économie. Bien sûr que tu contrôles pas tout, mais tu la transformes, ton économie. Tu la transformes. Tu fais un vrai plan de transformation de l'économie pour revenir à un système où tu deviens plus autarcique, entre guillemets. Déjà, ce qu'il faut, c'est quand tu reprends les manettes, c'est faire une grosse campagne sécuritaire de manière à rendre la France attractive pour les touristes, parce que c'est quand même une de nos plus grandes sources de revenus. Et progressivement, tu réindustrialises la France avec les nouvelles technologies les moins polluantes, celles d'avenir. Et là, oui, tu peux faire, mais 5 ans, c'est vrai qu'en 5 ans, c'est sur 15 ans qu'il faut voir le truc. C'est pour ça qu'il faut même réformer le truc des présidentielles, enfin de la présidence de le mandat. Oui, voilà, tu augmentes le mandat hein, et le problème est réglé. Mandat, 4 mandats, 10 mandats, c'est, mais être réélu, pourquoi pas? Mais c'est vrai que quelqu'un qui ferait une politique quelque chose en son temps, ouais, il peut très vite ramener la France au niveau acceptable, quoi. Mais le tourisme, aujourd'hui, les gens ne viennent plus en France parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité en France. Ils ne voient plus de Français à Paris. Ils voient tout sauf Paris imaginaire. Et là, c'est par ça qu'il faut commencer. Et puis... bah, je pense que tu as soulevé le point important, c'est-à-dire la confiance. Comment maintenir la confiance sur le marché international quand la France quittera l'Europe? Ça, c'est une notion très importante à aborder avant de juste se barrer, quoi. Et quand tu quittes l'Europe, tu vas pouvoir faire justement des marchés, ouvrir des marchés que tu ne pouvais pas faire avec l'Europe, justement. Donc aujourd'hui, on subit une pression des pays européens, par exemple, tel pays, vous ne pouvez pas faire ça, tel pays, vous pouvez... Tu vois? Donc à un moment donné, au contraire, tu vas te libérer de certaines chaînes qui vont te permettre d'ouvrir des partenariats économiques avec certains pays qui sont boycottés par l'Europe même. Ouais, par exemple, la Russie, quoi. Il y a des filières qui sont quand même très très dépendantes, tu vois. Je pense notamment à l'uranium pour produire notre énergie ou encore. Mais l'uranium, tu le cherches en Algérie, c'est bon. L'acier aussi, on n'a plus d'acier en France, on n'importe plus d'acier. Tout ça appartient à des entreprises. Donc, ces entreprises-là devront choisir de vendre ou ne pas vendre. On a l'impression aujourd'hui que on peut être régi que par l'Europe. C'est-à-dire, en tant que pays indépendant, on va subir les pressions, quoi. Tu crois qu'il va y avoir des embargos contre la France dès qu'on va quitter l'Europe? Et quand bien même, qui va nous les faire, ces embargos? Les pays européens, donc. Donc, ouais. Bah, il te restera l'autre partie du monde, quoi. C'était pas mon inquiétude principale, personnellement, Bastos. Moi, je parlais plutôt de l'intérieur, tu vois. C'était plus ça, mon point de vue. Le switch économique est beaucoup plus facile. Pour te répondre, le switch économique est beaucoup plus facile en France. Déjà... alors, avec les infrastructures qu'on a, je veux dire, on a toutes les infrastructures qu'il faut. Donc, si tu veux, mis à part de la rénovation, on a tout ce qu'il faut déjà en France. Donc, c'est beaucoup plus facile de changer une monnaie dans un pays comme la France que dans un des pays du tiers-monde, quoi, tu vois, où ils ont rien. Nous, on a. Attends, il faut imaginer quelque chose qui est très important dans la sortie de l'Union européenne. C'est pas toutes les lois qui vont changer d'un coup, parce que d'un point de vue du droit. En fait, tant qu'il n'y a pas une loi qui annule une ancienne loi, c'est toujours l'ancienne loi qui est en vigueur. Donc, sortir de l'Union européenne n'annule pas la loi d'un coup et tous les règlements d'un coup. Et justement, au fur et à mesure, on va pouvoir écrémer, choisir, entre guillemets, ce qui est bon pour nous, ce vers quoi justement on veut aller. Et à ce moment-là, on prend la loi et on change les règles. Mais maintenant, quelque chose qui est bon pour nous, on n'a pas besoin de changer les règles. Et les règles sont telles quelles, tant qu'il n'y a pas une loi qui l'annule. Donc après, oui, on va rompre les traités européens, mais on a bien vu, bon, ils essayent de faire payer l'Angleterre. Mais déjà, si on est au stade de la France, ce sera plus pareil. Ce sera vraiment le divorce. Salut, quoi. Déjà, bon, les Anglais, ils essayent de les faire payer pour les se faire sortir. On voit bien que c'est comme une espèce de punition. On leur a dit, on leur a brandi la menace de plus avoir l'accès au marché unique. Bon, quelque chose qui peut un peu les embêter, mais pas tant finalement, parce que eux aussi, on sait que les Européens vendent beaucoup de choses à l'Angleterre, donc c'est pas l'intérêt non plus des Européens de ne pas leur vendre. Donc on va finir par trouver un accord, il y aura un accord. Et la France, c'est exactement pareil, on trouvera un accord, y compris avec les autres pays. D'ailleurs, rien n'empêche de garder, conserver certains aspects économiques, etc., qui peuvent rester, si chacun prend sa souveraineté, mais on garde certains accords. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Si l'accord il est bon, on peut le garder, bien sûr. Économiquement, c'est bon, moi, il faut faire à la carte, quoi, choisir ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon, ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut faire, et puis on fait un tri à la carte dans ce qu'on veut. Mais rien n'empêche de faire ça et de sortir de l'Union européenne quand même, pour garder les manettes, justement, c'est-à-dire à la fin être souverain de la décision, et pas avoir quelqu'un qui nous dit, ah ouais, mais non, mais vous voulez faire ça, vous pouvez pas. Bah si, là, on veut faire ça, on le fait. Ah ouais, non, bien sûr, hein, moi je suis tout à fait d'accord là-dessus, faut quitter l'Europe, bien sûr, faut quitter ce système, mais pour autant, je me pose quand même les questions des conséquences que ça peut avoir, et l'UCR a bien débunké ça avec leurs analyses économiques. Non, mais t'as raison de s'inquiéter des conséquences, et c'est normal qu'on se pose des questions, même moi je m'en pose, hein, mais je suis convaincu comme une. Il y en a, ils vont pas aimer le mot d'intuition, en fait, que c'est la voie, en tout cas, à suivre, que c'est vraiment la voie. Pour y compris dans le principe d'aller au bout de cette logique nationaliste, d'aller au bout de cette logique de réinstauration de la France, de la francité, ça ne peut que se faire que par la sortie de l'Union européenne, qui peut même être un grand déclencheur justement dans cette francité, et un moment d'union nationale très fort. Ça peut être aussi notre perte, hein, si maintenant l'Europe éclate, la crise économique arrive, l'Allemagne se retrouve grande Regarde. gagnante, les conflits commencent à éclater dans toute l'Europe avec les musulmans qui commencent à faire chier. Ah, bah tu vois, bah, peut-être ce sera. C'est pour ça que je parle d'un déclencheur. Ouais. Mais regardez, par exemple, aujourd'hui, ce serait le moment opportun de quitter l'Europe. Il y a Trump qui est au pouvoir, tu as toujours un Poutine. Dire concrètement, c'est les deux empires. De ce monde, enfin plus les États-Unis d'ailleurs, enfin le monde anglo-saxon, mais bon, on va dire surtout les États-Unis. Aujourd'hui, ça serait pas le meilleur moment, par exemple, pour quitter l'Europe? Vraiment, dans ce contexte-là, il est idéal, ce contexte, quoi, tu vois. Bah, c'est ce que disait Qui va faire des Carrasquilla, la dernière fois, embargos Marine Le Pen, Voilà. avec Trump et Poutine. On était vraiment, alors là, la triptyque, la trinité, quoi. C'était. Oui. Là, il fallait se convertir tout de suite au catholicisme. Non, mais c'est vrai. Franchement, là, c'est la période est propice. Et économiquement, on n'en subirait même pas les conséquences. Tout est fait pour. Voilà, peut-être qu'on va rater ce train-là, mais il y en aura d'autres. À un moment donné, oui, on va passer par de la souffrance. Ça, c'est indéniable. Mais est-ce qu'on ne souffre pas déjà aujourd'hui? Si. Non, mais moi, je pense que ce qui va être important, c'est de. Moi, je suis pour sortir de l'Union européenne. Hein. Mais je pense qu'il va falloir, malgré tout, se serrer les coudes avec les autres pays européens. Et l'autre fois, enfin, il y a un moment maintenant, j'avais dit ça et certaines personnes m'avaient sauté dessus en me disant, mais oui, mais enfin, on n'a pas besoin de se tourner vers les Italiens ou les Espagnols pour la France, etc. Sinon, c'est pas du nationalisme et tout ça. Je pense que c'est débile de dire ça, et d'ailleurs j'étais très content, c'était pas quand tu as posé la question à Jean-Marie Le Pen, tu lui as demandé est-ce que la France peut aspirer à retrouver sa grandeur, etc. Et il a dit déjà il faudrait qu'elle survive, il faut survivre, et il faut aussi que les autres pays européens survivent. Donc en gros, ce que dit Jean-Marie Le Pen, c'est que la France pourra difficilement retrouver sa grandeur d'antan sans les autres pays européens. Et moi, je pense que c'est vrai pour tous les pays européens. Je suis alors complètement d'accord aussi. Et c'est pour ça qu'en sortant de l'Union européenne, au moins la fraternité entre pays européens, elle serait vraiment de pays à pays, elle serait bien plus forte que dans une union factice, dans laquelle en plus c'est fratricide pour les pays européens, puisqu'ils sont obligés de faire des concessions aux autres, l'un qui te met à l'amende, l'autre qui se croit. Au moins on se respecterait pour ce qu'on est, quoi, un peu plus. Ouais, mais là, ce que je comprends pas dans ce discours, c'est pourquoi on arriverait à se mettre d'accord une fois sorti de l'Union européenne, alors qu'on n'est pas arrivé à le faire dans l'Union européenne. Parce que là, les gars, au moins, tu vois, ils se réunissent dans le Conseil, tu vois, ils discutent pendant des heures, ils blablatent. Bon, alors vous allez me dire, oui, il y a des financiers, il y a des pressions extérieures et tout, mais reconnaissait que là, c'était quand même le moment de se mettre d'accord pour arriver à quelque chose de plus grand. Parce que là, justement, Max, je pense que ça se jouera justement sur un autre plan. C'est-à-dire que là, tu te mettras d'accord sur ce en quoi tu as envie de te mettre d'accord avec les gens avec qui tu as envie de te mettre d'accord. Et ce sera plus imposé. C'est-à-dire, on sera d'accord avec les Allemands sur tel sujet, mais on sera pas d'accord avec les Danois. Et peut-être qu'on sera d'accord avec les Polonais et les Hongrois, et pas avec les Espagnols et les Italiens. Et du coup, je trouve que ça apaise un peu, justement, plutôt que se mettre en... Parce que dans l'Union Européenne, clairement, en plus, t'as les gros pays et les petits pays. C'est-à-dire, c'est un espèce de club des riches, avec la France, l'Allemagne, bon, maintenant, et puis l'Angleterre, la Hollande, on va dire, allez, un petit peu l'Italie. Et puis, les autres, vous la fermez, quoi. Je te parle même pas des pays de l'Est. Carrément, vous voulez même leur imposer les migrants comme ça, vous la fermez, vous prenez des migrants. Donc, c'est quand même un truc vachement violent. Même les européistes, quand tu les entends, moi, je suis absolument choqué. Pendant le débat présidentiel, il y avait, quand à un moment donné, ça a été bien abordé l'Europe, t'as Fillon qui parle de l'Europe et qui dit « Oui, moi, je veux faire ci, ça. » Et puis, t'as Mélenchon qui lui répond « Ah ouais, mais attention, en France, on n'est pas en Roumanie. » Déjà, sacrément pour les Roumains, petit pichenette. Mais en plus de ça, la réponse de Fillon lui dit « Attends, non, je parle pas de pays comme la Roumanie, je parle de pays normaux comme le Danemark. » C'est-à-dire qu'en fait... Attends, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, dans l'échange là qu'il y a eu, tu vois, donc entre un Mélenchon et un Fillon, donc ils sont pas du même bord politique, mais c'était le plus dégradant possible donc pour les pays européens, ce qui veut dire que il y a bien une échelle de valeur en plus, c'est-à-dire des pays qu'on considère plus que d'autres qu'on a plus de respect, mais comme on est dans cette union, on peut se permettre en plus de cracher comme ça sur les Roumains. Je trouve ça assez hallucinant, moi, justement. Je trouve que si on était hors de l'Union européenne, peut-être qu'on respecterait tout le monde pour ce qu'ils sont, quoi. On respecterait autant les Roumains que les Danois, quoi, entre guillemets. C'est vrai. Non, mais c'est là où on voit que bon, l'Europe, c'est ridicule, quoi. C'est construit sur rien, il n'y a aucune union. Voilà, et on est rentré là-dedans au début, bon, bah, pour éviter la guerre, voilà, pour que la guerre. Voilà. Et puis finalement, on s'est perdu, quoi. On s'est perdu dans une construction européenne qui ne vaut rien, quoi. Ouais, ça, je pense que. Moi, je pense que c'est une idée, en tout cas, qui va progresser, cette idée de sortir de l'Union européenne, et qui prend, en tout cas, de plus en plus d'importance, parce que les gens commencent quand même de plus en plus à faire le lien. C'était intéressant, d'ailleurs, Anthony, qui était là l'autre fois, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était lui qui était aussi dans l'émission avec la SNCF. Ouais, et ouais. Vous voyez, même dans ces milieux-là, on commence vraiment à comprendre le discours européen, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, mais bon, est-ce qu'ils ne sont pas encore minoritaires tu vois, dans ces syndicats, les gens qui pensent comme ça. Parce qu'eux, ils avaient l'air d'être quand même... Bah, ils savaient de quoi ils parlaient, déjà, bah, de l'intérieur, mais aussi, ils connaissaient un peu les sujets autour. Mais est-ce que c'est réellement le discours majoritaire? Alors non, t'as raison, c'est pas le discours majoritaire. Mais il est déjà implanté, oui. Tu sais, et comment ça se passe? Ça s'implante, après ça progresse. Il est à notre échelle, en fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est à notre niveau, mais bon, bah, pour le syndicat, nous, c'est... Au niveau du pays, tu vois, ça reste encore... bon, ça progresse, hein. Et ça va progresser. Mais bon, pour l'instant, voilà. On va pas attendre des syndicalistes d'être anti-européens, quoi. Bon, bah, écoutez, je vais tous vous remercier. On arrive à la fin. Tiens, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mis une citation de Jean-Marie Le Pen. Je sais pas si elle est vraie. C'est la paix qui a permis l'Europe et non l'Europe qui a permis la paix. Bon, je la connaissais pas. En tout cas, elle est pas mal. Vous la connaissiez, non? Non, je ne connaissais tout. Pas, mais c'est très vrai. Bon, bah, en tout cas, voilà, bah, on finira avec une citation de Jean-Marie Le Pen. Merci à tout le monde, merci à vous, merci à ceux qui nous écoutent. Et ben, on se rejoindra lundi pour un live. En attendant, et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et puis, voilà, bah, vous aussi, enfin, à tout à l'heure, soldats. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, merci ciao. À tous. Salut.